Vous êtes bien sur le 107 MHz, Radio Guémozo, François, le calendrier des esclavages et des libérations. Alors ce soir, de larges extraits d'informations tirées du média, tirées de Canal FI comme France Insoumise. Et puis, il sera question des Gilets jaunes, la loi anti-casseurs, des Vosges. Eh oui, le média, on parle aussi des Vosges, à propos des Gilets jaunes des Vosges. Et puis, d'autres sujets, comme par exemple des enlèvements d'enfants protestants à une certaine époque. Voilà. Et puis, évidemment, revue de presse. Et puis, le calendrier des esclavages et des libérations. Alors, le calendrier des esclavages et des libérations. Le 17 février. Le 17 février 1864, en France, parution du manifeste des 60 ouvriers de la Seine. Il propose des candidatures exclusivement ouvrières pour les élections du 20 mars, sous Napoléon III, rappelons-le. Napoléon III, aucune ressemblance avec, évidemment, l'époque actuelle. Napoléon III, Macron Ier, c'est pas la même chose, c'est pas la même époque, c'est pas la même... Voilà. La liste ne recueillera que 424 voix. Mais le signal de l'entrée de la classe ouvrière dans la place politique, dans la vie politique, est donné. 1902, Espagne, à Barcelone, grève générale de solidarité avec les métallurgistes. De nombreux anarchistes sont arrêtés. 1915, Mexique, pacte entre la révolution constitutionnaliste et la Casa del Obrero Mundial, maison de l'ouvrier mondial. La classe ouvrière collabore avec le gouvernement révolutionnaire. 1916, Mexique. Sous prétexte d'incidents de frontières, les USA interviennent au Mexique. En fait, il s'agit d'aider Carranzas à reprendre Mexico à Pancho Villa et de mettre en échec la révolution. 1919, Allemagne. Début de la vague de grève de printemps pour défendre la révolution de novembre. Dans la Ruhr, 180 000 mineurs cessent le travail. Là encore, aucune ressemblance avec l'époque actuelle. C'est une autre époque, un autre pays, donc rien à voir, bien sûr. 1931, Inde. Malgré les conditions posées par le Congrès panindien, son chef Gandhi réussit à discuter avec le nouveau vice-roi Irvine sur les revendications du mouvement de libération, l'amnistie pour les prisonniers politiques et l'arrêt des représailles. 1936, USA. Grève sur le tas à l'usine Goodyear pour protester contre les licenciements. 35 000 travailleurs de l'Union des syndicats Akron sont prêts à se mettre en grève générale si la garde nationale intervient. 1958, Indonésie. Les musulmans du Nord, des célèbres, se soulèvent. Ils sont écrasés par les troupes gouvernementales. 1977, Afghanistan. La constitution républicaine est proclamée, mais le pouvoir de l'Assemblée élue au suffrage universel est assez faible. 1981, Pologne. Après une grève qui menaçait de s'étendre, enregistrement de l'Union indépendante des étudiants. 1983, ONU. Un rapport de la Commission des droits de l'homme de l'ONU signale qu'en 15 ans, au moins 2 millions de personnes ont été exécutées sommairement. Et 1984, Paraguay. Première manifestation d'une certaine ampleur à Asunción depuis la prise de pouvoir par le général Stroessner. Et à cette occasion, Amnesty International rappelle que le pays est en état de siège depuis 30 ans. La loi martiale étant renouvelée tous les 90 jours. Thank you. 18 février 1546 en Allemagne, mort de Martin Luther. 1916, Allemagne, Rosa Luxembourg, militante révolutionnaire et pacifiste, est libérée de prison. La rue est pleine de monde, spécialement de femmes. On crie « Vive Rosa, vive la paix !» En Allemagne, 1916. 1919, Italie. Début d'un mouvement de grève à occupation d'usines à Sestri Ponente. Il s'étendra et se poursuivra jusque fin mars. 1930, Vietnam. Dans un manifeste, Ho Chi Minh expose le programme de son parti. Il comporte, entre autres, la conquête complète de l'indépendance de l'Indochine, la confiscation des concessions agricoles et des autres propriétés des impérialistes pour les distribuer aux paysans pauvres. L'application de la journée de 8 heures, l'instruction pour tous, les libertés démocratiques, l'égalité entre l'homme et la femme. 1934, Autriche. Constitution du comité des sept. On l'appellera plus tard le comité des syndicats libres clandestins. 1938, France. La femme mariée recouvre sa pleine capacité. Elle peut conclure librement un contrat de travail sans l'autorisation du mari. 1943, Allemagne. Goebbels, ministre de la propagande, exige, de point ouvrir les guillemets, la guerre totale. Fermons les guillemets. Le même jour, Hans Scholl et sa sœur Sophie, âgées respectivement de 24 et de 21 ans, sont arrêtés à Munich, alors qu'ils distribuaient des tracts de la Rose Blanche, mouvement s'élevant contre les violences des nazis. Hans, Sophie et leur ami Christoph Probst sont condamnés à mort et exécutés le jour même. 1943, France. Dans le train qui les conduit de Sarrebourg à Sarreguemines, 600 jeunes Lorrains, incorporés de force dans l'armée allemande, se révoltent. Drapeau tricolore, marseillaise, aigle allemand arraché. À Sarreguemines, la Wehrmacht attend. La révolte est matée, les meneurs sont arrêtés. 9 condamnations à mort seront prononcées. Dans la suite, elles seront commuées en 12 ans de travaux forcés. Bon, 12 ans de travaux forcés à l'époque, dans l'Allemagne nazie, on sait à peu près à quoi ça correspondait. Ça correspondait de toute façon à la mort. Plus lente. Pire encore. 1944, Canada. Grève des tramways à Montréal. 1965, Gambie. Proclamation d'indépendance de l'ancienne colonie britannique. 1965, Soudan. Les ministres communistes sont exclus du gouvernement. La révolution d'octobre 1964 soudanaise s'achève. Le maréchal Abdoud prend le pouvoir. Le PC sera interdit en décembre. Alors pour les plus jeunes, le PC, ça veut dire, c'est pas le porte-commandement ou le PC ordinateur, non, c'est le parti communiste, parti communiste. 1982, Tunisie. Après 2 semaines de négociations difficiles, le SMIG est augmenté d'environ 30%. Le SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti. C'est ça que ça voulait dire, ça n'existe plus. Il a été remplacé par le SMIC que l'on ne respecte même plus en haut lieu. 1984, Italie. Le catholicisme n'est plus religion d'État. Thank you. février, apparemment il s'est passé moins de choses que les jours précédents. 19 février 1834, en France, le préfet ayant fait appel à la troupe, les canuts sont obligés de céder. Les canuts, c'était les tisserands du textile, enfin les tisserands de soie à Lyon. La reprise du travail est votée par 1382 chefs d'atelier contre 845. 1913, Grande-Bretagne. Des suffragettes, c'est-à-dire des militantes pour le droit de vote des femmes, font sauter la maison de campagne du ministre des Finances, Lloyd George, à Walton Hill. Elles font sauter la maison de campagne du ministre des Finances. Eh ben, tout ça pour avoir le droit de voter? Oh, ben quand même. Oh, ben alors. 1920, France. Grande grève des mineurs d'Ussigny, Meurthe-et-Moselle, par solidarité avec les matelots de Réon, réclamant la réintégration d'un militant syndical. 1927, Chine. Les armées de Chiang Kai-shek sont à 40 km de Shanghai. 500 militants clandestins de la CGT lancent un appel à la grève générale. 1949, Canada. Suite au refus par la direction des revendications et de l'arbitrage des mineurs, la grève de l'amiante est déclarée illégale. Une centaine de policiers arrivent pour surveiller la propriété. La lutte continuera pendant 5 mois. Pendant 5 mois. Donc les gilets jaunes ne sont pas forcément arrivés au bout de leur peine. Hein. Mais ils ont l'air de vouloir tenir. 1979, République centrafricaine. Les émeutes contre l'empereur Bokassa se développent à Bangui. À toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de L'Autre 20 heures. Au programme aujourd'hui, vous retrouverez le petit coup de Bourbon de Serge Faubert qui s'est intéressé aux frondeurs de La République En Marche face au texte de la loi anti-casseur. Puis, vous saurez tout sur la nouvelle plateforme Le Vrai Débat. Bienvenue dans votre journal. La loi anti-casseurs qui fait polémique a été examinée mardi et mercredi à l'Assemblée nationale. Et il n'y a pas que l'opposition qui crie au scandale quant à la possible adoption de cette loi. 30 députés de La République En Marche ont également essayé de vider le texte de ses aspects les plus douteux sans y être parvenus. Serge Faubert examine cet épisode dans Un petit coup de Bourbon. L'Assemblée nationale a donc adopté hier soir l'article 2 de la loi anti-casseurs. Les préfets pourront prononcer des interdictions de manifester à l'encontre d'individus représentant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ce pour un délai d'un mois et au besoin sur tout le territoire. La personne concernée devra avoir commis des atteintes graves à l'intégrité physique des personnes ainsi que des dommages importants aux biens ou encore un acte violent lors d'une précédente manifestation, ce qui laisse la porte ouverte à des interdictions avant que la justice n'ait prononcé une quelconque condamnation. Il suffira d'être suspecté. L'interdiction administrative de manifester entre dans le droit français contre l'avis même d'une partie de la majorité présidentielle. Oui, il y a désormais des frondeurs dans le parti d'Emmanuel Macron. Une trentaine de députés de La République En Marche ont ferraillé contre le texte qui leur était proposé, que ce soit en commission des lois ou en réunion de groupe. C'est une première. Écoutez Jean-François Césarini et Mathieu Orphelin. Faire attention de ne pas dépasser certaines lignes rouges, ce n'est pas les préfets qui rendent la justice dans ce pays, c'est les juges. Et donc l'interdiction administrative, à mon avis, va être très compliquée à faire passer ici, même au sein de la majorité. C'est qu'on nous a dit pendant un an qu'on était des godillots. Mais là, on va nous dire peut-être pendant des mois qu'on est des frondeurs. On n'est pas des godillots, on n'est pas des frondeurs. C'est une majorité qui est effectivement disparate, hétéroclite, diverse, et c'est sa force. Il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite à l'intérieur. On n'est pas ni de droite ni de gauche, on est et de droite et de gauche. Et donc effectivement, il y a une sensibilité plus sociale que moi je peux représenter, avec Sonia Crimi, avec d'autres, avec Paola Forteza qui a déposé des amendements, moi que j'ai co-signé également sur justement cet article 2, pour dire à un moment, attention, oui, effectivement il faut une loi anticasseur, il faut peut-être donner plus de moyens à la police, mais ne dépassons pas certaines bornes, il y a l'exécutif, il y a le législatif, il y a le judiciaire, ne mélangeons pas ces trois pouvoirs-là. Si vous connaissez les casseurs, ben allez les chercher, les juges peuvent les interdire de manifester. On n'a pas besoin, effectivement, de donner ce pouvoir-là supplémentaire au préfet. Il ne faut jamais avoir peur du débat politique. C'est ce qui fait la richesse de notre groupe. Et donc, on est tous sauf des godillots. C'est très bien que les uns et les autres amènent leurs idées. Là, il y avait beaucoup de députés pour qui avoir un certain nombre d'assurances fortes sur le respect du droit de manifester, c'est fondamental pour beaucoup d'entre nous. Ça a été très bien porté. Il y a eu ces débats-là. Ça a été utile, fructueux, même si parfois ça a frotté un peu avec le gouvernement. On est là pour ça. On est là pour faire avancer les textes, pour voter les textes. C'est le rôle normal des parlementaires de la majorité. C'est très bien que ça se passe comme ça. Mais voilà, aux voix discordantes de sa propre majorité, le gouvernement a préféré les rodomontades de la droite. Voici ce que déclarait Éric Ciotti mardi. Les dispositions qu'elles proposées à ce stade, nous verrons bien en séance, par la majorité et par le gouvernement, aboutissent à affaiblir un dispositif équilibré et complet. Nous avons besoin de ce fichier des casseurs, on les connaît, il faut qu'ils soient interdits de manifester. Pour cela, il faut qu'il y ait ce fichier et il faut qu'il y ait aussi un délit très clairement sanctionnable pour ceux qui manifestent avec le visage dissimulé. On a d'ailleurs échappé au pire. Au cours du débat en séance, le monsieur sécurité des Républicains a soumis un amendement qui proposait de coupler la vidéosurveillance avec la reconnaissance faciale lors des manifestations. Amendement qui n'a pas été retenu. Le gouvernement n'a aucun besoin des voix LR pour faire passer ces textes. Il n'a rien à gagner à ménager le parti de Laurent Wauquiez. N'est-ce pas, par exemple, la majorité LR au Sénat qui lui mène la vie dure avec la commission d'enquête sur Alexandre Benalla? Alors pourquoi cette obstination à s'aligner sur les positions de l'aile la plus droitière des Républicains, incarnée par Bruno Retailleau? Alexis Corbière a une explication. Il y a une dérive autoritaire qui n'apportera pas d'outils supplémentaires en vérité aux forces de l'ordre sur le terrain. Cette dérive autoritaire qui est en vérité l'effet ou le contre-effet d'un pouvoir politique qui ne sait pas comment sortir de cette grande protestation qu'incarne les Gilets jaunes, qui s'arc-boute sur la défense de ces institutions dont on voit bien qu'elles sont le fond du problème. Il y a un refus ou une absence de consentement de plus en plus forte à l'autorité. Donc il faut rebrasser tout ça dans de nouvelles institutions. Nous, c'est ce qu'on dit, pour mettre de manière pacifiée. Plutôt que de répondre au mouvement social, le gouvernement s'installe dans la confrontation. Une confrontation qui s'est traduite par plus de 1800 blessés chez les manifestants. 14 d'entre eux ont perdu un œil, 4 une main. Et 10 ont trouvé la mort sur des ronds-points, sans oublier cette vieille dame à Marseille qui a succombé après avoir été victime d'un tir de grenade lacrymogène. Ce soir, ou plus tard demain matin, le Conseil d'État doit d'ailleurs rendre sa décision concernant la suspension de l'usage du lanceur de balles de défense, le LBD, dans les opérations de maintien de l'ordre. Un référé liberté initié par la CGT, le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature. Tenez-vous bien, lors de l'audience, on a appris que 9228 tirs ont été effectués depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. En temps normal, la moyenne annuelle tourne autour de 3000 tirs de LBD. Ce bilan inédit, Jean-Luc Mélenchon l'a dénoncé mardi. Dans ces circonstances, nous affrontons le bilan le plus terrible observé au cours des 60 dernières années. Même en 1968, avec 10 millions de travailleurs en grève, ou bien en 1995, avec des millions de gens qui se déplaçaient dans la rue, on a vu une chose pareille. La règle en République, c'est qu'on ne saurait mettre en cause tel ou tel policier individuel pour un geste inadapté, même si ce geste inadapté doit être sanctionné en tant que faute professionnelle. Mais il ne peut pas être question qu'on les rende responsables de cette situation. C'est à la politique d'assumer. Vous êtes responsable, monsieur le ministre. Vous, personnellement, parce que c'est la République qui veut ça. Quelle que soit la qualité de vos intentions, et votre qualité d'être humain, qui n'est pas en cause dans cette affaire, mais votre responsabilité est politique. C'est vous qui devez assumer cette situation. Si ces gens sont éborgnés, si ces policiers sont blessés, s'il y a cette situation, c'est de votre faute. On n'a jamais vu ça auparavant, dans aucune situation politique tendue dans ce pays depuis plus de 60 ans. Certes, la navette parlementaire peut encore modifier les choses, mais l'essentiel est fait. Sur ce texte, plane cependant l'hypothèque du Conseil constitutionnel. Pour certains parlementaires, la cause est entendue. Bon, le Conseil constitutionnel, il y a la moitié du texte est anticonstitutionnel, l'autre moitié, c'est des mesures qui existent déjà. D'autres se montrent plus sereins, voire désinvoltes. Non, il n'y a pas de doute sur la constitutionnalité. En revanche, il y avait des questions sur l'opérationnalité. Et c'est la raison pour laquelle les commissaires aux lois, notamment de notre groupe, ont choisi de réécrire une partie du texte. Le gouvernement oublie que c'est le Parlement qui est souverain dans ce pays et pas le Conseil constitutionnel. Donc le Parlement fait la loi et si ensuite certains députés estiment qu'il y a un problème constitutionnel, ils saisiront le Conseil constitutionnel qui décidera effectivement d'invalider certaines mesures. Maintenant, on ne peut pas faire du contrôle constitutionnel préventif ou de la frappe préventive. Inutile et dangereuse, cette loi anticasseur ne résoudra rien. Le pays attend une réponse politique. Hier, s'est lancée une plateforme participative baptisée Le Vrai Débat. Ce site se veut une alternative à la plateforme du Grand Débat National. Le principe étant d'ouvrir un espace de débat libre où tous les sujets pourront être abordés. Le média a reçu 3 gilets jaunes qui gèrent la plateforme, c'est le Facecam. Nous sommes un collectif constitué de gilets jaunes et donc depuis le 17 novembre, nous avons mis différentes initiatives en place. Nous avons rencontré des gens, notamment Armel Lecoz, qui est cofondateur de Démocratie Ouverte. Et cette personne-là nous a aidé à monter dans le Vaucluse des conférences sur la gouvernance. Voilà, savoir si un autre système de gouvernance était possible. Et il est venu nous présenter différents outils de démocratie participative, dont les civic tech. Les civic tech, ce sont des outils d'intelligence collective. Donc, suite à cela, en région PACA, nous avons décidé de nous saisir de cet outil et grâce à une start-up qui s'appelle Cap Collectif, qui est aussi affiliée à Démocratie Ouverte. Donc, ces gens-là, ce sont des innovateurs de sujets de démocratie. Nous avons lancé une plateforme des revendications dans la région PACA. Parallèlement à ça, cette initiative elle a été prise en main par d'autres régions de France, la Bretagne, Midi-Pyrénées, l'Aquitaine et surtout l'île de La Réunion, qui s'est également saisie de cet outil. Ensemble, tous les administrateurs de ces plateformes d'intelligence collective, nous avons décidé de nous unir dans un collectif, un groupement indépendant, et nous nous sommes saisis de l'outil national que l'on appelle donc le Vrai Débat. Le Vrai Débat, c'est une plateforme d'intelligence collective où chacun, que l'on soit gilet jaune, simple citoyen, donc gilet citoyen, chacun peut venir poster toutes ces revendications de façon complètement libre, égalitaire, transparente. Les citoyens lambda, les gilets jaunes et une grande partie de la population s'est saisie du fait que le grand débat qui nous était offert aujourd'hui était, comme disent beaucoup, un enfumage. On a constaté que lorsque des débats étaient animés et proposés par le président et son équipe, comme on a pu voir dans le Sud-Ouest, il s'agissait de débats orienté, avec des intervenants choisis, dont les questions étaient choisies, les contestataires en étaient souvent écartés. Nous, nous nous sommes positionnés face à cela en voulant, sans rentrer forcément dans un rapport de force, nous restons dans le dialogue, mais nous avons voulu proposer une alternative véritable dans le sens démocratique. Édouard Philippe, le Premier ministre, a saisi la CNDP, la Commission nationale du débat public, au mois de décembre, pour demander à la CNDP de travailler sur un process transparent concernant la mise en place du grand débat du gouvernement. Il s'avère que finalement, le gouvernement a décidé de ne pas se saisir du process proposé par la CNDP. Et donc, suite à ça, des documents ont été mis en ligne. Le process proposé par la CNDP a été donc diffusé et nous avons décidé de nous en vraiment saisir dans notre plateforme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on appelle notre plateforme le vrai débat. Ce que l'on veut vraiment souligner, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un outil qui est incontestable par le gouvernement parce que nous utilisons exactement le même. Et notre process est incontestable puisqu'on s'appuie vraiment sur le process proposé par la CNDP. Nous voulons, nous, Gilets jaunes, faire en sorte que cet outil devienne l'outil officiel incontestable de la consultation nationale. C'est le vrai débat. Nous, on est parti sur l'idée d'ouvrir vraiment, puisque ce que les gens veulent aujourd'hui, c'est pouvoir s'exprimer. Donc, on a décidé de créer 9 catégories, 8 catégories qui regroupent à peu près tous les ministères qui sont sur le gouvernement, et un onglet qui est libre afin de permettre de parler de sujets de société, de choses comme ça. Donc, nous sommes positionnés avec une proposition de garantie d'un bon processus, tel qu'un observatoire véritablement indépendant, et ce que d'autres appelleraient un conseil des sages pour garantir le bon processus et son indépendance. On a décidé aussi dans la conception de repartir sur le process du CNDP en essayant de l'améliorer. Donc avec la première phase actuellement où on est aujourd'hui, c'est une collecte de revendications. Les gens vont pouvoir s'exprimer, donc poser directement sur le site leurs revendications personnelles, en s'exprimant de la façon dont ils ont envie, en pouvant y apporter les bénéfices apportés par rapport à la revendication, en pouvant positionner des sources, c'est-à-dire des documents internet qui pourraient étayer leurs revendications. Là-dessus, on va pouvoir voter sous 3 formules. Sous la formule « je vote pour », « je vote contre » et « je peux être mitigé aussi ». Après la consultation, une deuxième phase de synthèse, après avoir rendu publiques les données brutes, celles-ci seront confiées à un ensemble d'universitaires et de scientifiques, suivant les instructions en fait du CNDP, de la Commission nationale du débat public, afin de garantir une indépendance et une transparence dans le traitement de ces données. Phase 3. Quand ces données auront été collectées et triées, nous organiserons sur l'ensemble du territoire des conférences citoyennes. Ces conférences citoyennes seront composées de personnes volontaires, de personnes qui auront donc participé sur le site du Vrai Débat et qui auront donc postulé pour pouvoir participer et co-construire ensemble des revendications opérationnelles qui ensuite, elles, pourront être portées. Chaque citoyen, à titre individuel ou collectif, pourra se saisir des revendications pour les monter de la manière dont il le souhaite, soit dans un premier temps auprès du gouvernement et des ministères, soit au niveau des élus locaux, les maires, les députés. Il pourra aussi saisir à titre individuel ou collectif la Cour européenne des droits de l'homme. Il pourra saisir aussi le Conseil constitutionnel. Dans tout le processus de consultation, il y aura donc posté sur la plateforme tout le suivi des actions. Nous allons mettre à disposition dans cette plateforme un kit. Le kit s'appelle les ateliers relais. Chacun, à titre individuel ou justement collectif, pourra se saisir de ce kit, le télécharger, afin d'organiser localement des réunions, des débats sur tous les thèmes possibles et inimaginables, puisque tout peut être abordé dans la plateforme. Dans un souci de redonner la légitimité à la parole de tout un chacun, notre démarche est aussi de réintégrer les corps intermédiaires et avant tout et surtout nos élus locaux, les maires. Donc nous faisons un appel aux maires via l'Association des maires de France ou des maires ruraux, afin que ceux-ci se saisissent du vrai débat que l'on propose, étant les premiers à avoir dénoncé cet enfumage qui était proposé par le gouvernement. Ainsi, les maires pourront être les premiers acteurs afin de redonner la parole au peuple. Voilà, c'est la fin de votre journal. N'oubliez pas de liker, partager et commenter les contenus qui vous ont plu. Et puis surtout, de devenir sociaux si vous le pouvez, puisque c'est grâce à vous qu'une autre information est possible. À bientôt! Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver pour cette deuxième édition de la semaine de l'autre 20 heures. Vous pouvez retrouver dès maintenant Théophile Kouamouo. Il vous propose de revenir sur la libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé-Goudé et analyse la défaite d'un système judiciaire international, celui de la Cour pénale internationale, la CPI, ainsi que la mainmise française dans l'emprisonnement de l'ancien président de la Côte d'Ivoire. De quoi le procès Gbagbo est-il le nom? C'est tout de suite sur le Média. Bonne soirée. Ce n'est pas parce qu'on parle la même langue qu'on parle des mêmes choses. Le procès et l'acquittement à la Cour pénale internationale de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-collaborateur Charles Blé-Goudé ont suscité et continuent de susciter des passions en Afrique subsaharienne francophone où les audiences diffusées à la télévision et via le streaming ont été souvent regardées en direct. Mais il a plutôt laissé indifférent en France, notamment parce qu'il a été raconté comme une affaire à la fois étrange et étrangère, alors qu'il n'est qu'un épisode d'un feuilleton 100% français. Beaucoup de commentateurs ont vu dans l'acquittement spectaculaire de Laurent Gbagbo et de Charles Blé-Goudé, prononcé au milieu, en plein milieu du procès, sans même attendre le plaidoyer de la défense, un terrible échec de la procureure auprès de la Cour pénale internationale basée à La Haye, aux Pays-Bas. Il est vrai que le juge italien Kuno Tarfusser a prononcé le 15 janvier dernier un verdict extrêmement dur pour l'équipe d'accusation dirigée par la Gambienne Fatou Bensouda. Lors des 231 journées d'audience, la Chambre a entendu 82 témoins cités par l'accusation, soit dans le prétoire, soit par voie de liaison vidéo. Des milliers de documents ont été versés au dossier et des centaines de requêtes, demandes et décisions ont été déposées. La Chambre conclut à la majorité de ses membres qu'il n'est pas nécessaire que les équipes de la défense poursuivent la présentation des moyens de preuve, étant donné que le procureur ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve en ce qui concerne plusieurs éléments constitutifs essentiels des crimes tels que reprochés aux accusés. En particulier, la majorité estime que le procureur n'a pas démontré qu'il existait un plan commun destiné à maintenir Laurent Gbagbo au pouvoir et comprenant la commission de crimes à l'encontre de civils. En réalité, au-delà des magistrats debout de la CPI qui ne sont qu'un masque, le blanchiment judiciaire de Laurent Gbagbo, emprisonné depuis près de 8 ans, est une gifle pour la France officielle. C'est la France, ex-puissance coloniale qui, sous Jacques Chirac, puis sous Nicolas Sarkozy, a voulu, puis obtenu, la peau de l'ancien président de Côte d'Ivoire au prix, hélas, de milliers, voire de dizaines de milliers de morts. S'il est arrivé dans sa cellule de 9 mètres carrés au pénitencier de Scheveningen aux Pays-Bas le 30 novembre 2011, Laurent Gbagbo s'est vu promettre la CPI depuis janvier 2003. La mise en garde vient dans un premier temps de Blaise Compaoré, alors président du Burkina Faso voisin. Porte-flingue de la France-Afrique depuis l'assassinat du leader révolutionnaire Thomas Sankara en 1987, Compaoré est celui qui offre une base arrière à la rébellion armée qui attaque Abidjan le 19 septembre 2002 dans une tentative avortée de coup d'État qui occasionne 300 morts en une seule nuit. Gbagbo finira comme Milosevic, c'est-à-dire devant le tribunal pénal international. Blaise Compaoré. Quelques jours plus tard, des négociations politiques s'ouvrent à Paris. Objectif: obtenir du numéro 1 ivoirien qu'il signe un accord de partage de pouvoir favorable à son opposition civile et armée. À l'époque, un de ses conseillers dénonce dans les colonnes du Figaro ce qu'il appelle un chantage éhonté. 16 ans après, il raconte. Les autorités françaises ont commencé à agiter le chiffon rouge de la CPI dès l'instant où elles ont compris que le président Gbagbo mettrait du temps à mettre en œuvre l'accord de Marcoussi. Alors, M. De Villepin, qui était ministre des Affaires étrangères, a publiquement indiqué que si le président Gbagbo ne se pliait pas à la parole qu'il avait donnée, de remettre le pouvoir à la rébellion, de reconnaître la légitimité quasiment d'une emprise du pouvoir par les armes, la France mettra en œuvre un certain nombre d'instruments juridiques pour le faire poursuivre par la Cour pénale internationale. Bien entendu, une question vient d'entrer de jeu à l'esprit. Qui est Laurent Gbagbo et pourquoi était-il considéré comme un adversaire par les dirigeants français de l'époque, c'est-à-dire Jacques Chirac puis Nicolas Sarkozy? Nous avons évoqué la question avec David Mauger, membre de l'association Survie et co-auteur du livre « Un pompier pyromane, l'ingérence française en Côte d'Ivoire » d'Oufouet Boigny à Ouattara. Nous avons commencé par la nécessaire mise en contexte. Que représente la Côte d'Ivoire pour l'État français ? La Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays justement qui devient indépendant en 1960, avec un premier président qui s'appelle Oufouet Boigny, qui est quelqu'un qui avait déjà une très longue carrière politique en France. Il a été député à l'Assemblée nationale, il a été ministre d'État, c'est l'un des rédacteurs de la Ve République sous De Gaulle. Et en fait, lui est plutôt réticent à cette marche vers l'indépendance. Et c'est le premier à employer le terme de France-Afrique. C'est quelqu'un qui fait très bien l'affaire des Français. Les Ivoiriens en gardent un souvenir plutôt comme d'une époque relativement calme par rapport à ce qui va venir par la suite. Mais disons qu'il a été l'un des pions de la France pour mener un certain nombre de déstabilisations, que ce soit au Nigeria à la fin des années 60 avec la guerre du Biafra, où la Côte d'Ivoire va servir de relais pour des livraisons d'armes vers les sécessionnistes biafrais. Un peu plus tard, avec la guerre qu'il va y avoir au Libéria, qui est un pays voisin de la Côte d'Ivoire, pareil, va y avoir des bases arrières de la rébellion menée par Charles Taylor et déclenchée en 1989, et qui va déferler sur le Libéria, qui va commettre des crimes absolument atroces. Donc voilà un petit peu la Côte d'Ivoire d'Oufouet, qui prend fin donc avec le décès du père fondateur en 1993. Et là, le jeu politique ivoirien va devenir, disons, un véritable panier de crabes pendant une longue période. Et c'est sans doute pas fini aujourd'hui. En fait, il y a trois grands personnages politiques en Côte d'Ivoire. Il y a le successeur d'Oufouet Boigny, Henri Conan Bédié, donc qui incarne l'ancien parti unique, qui a des liens extrêmement forts avec la droite française, notamment. Il y a Alassane Ouattara, qui est à l'origine pas du tout un homme politique ivoirien, mais qui a fait sa carrière dans les grandes institutions financières internationales, d'abord à la BCAO, la banque qui gère le franc CFA pour l'Afrique de l'Ouest, et puis ensuite au Fonds monétaire international, où il a été directeur africain. Et en fait, ça a été le premier ministre d'Oufouet Boigny à partir de 1990, lorsque la Côte d'Ivoire, un petit peu comme la Grèce dans une époque beaucoup plus récente, a dû faire appel à l'aide internationale, parce qu'elle était face à une très grave crise de la dette. C'est un pays exportateur de cacao à l'époque, essentiellement, avec 40% de la production mondiale. Les prix du cacao se sont effondrés. Et la Banque mondiale et le FMI vont aider la Côte d'Ivoire, mais en contrepartie d'une politique d'ajustement structurel, des coupes dans les budgets sociaux, un petit peu ce qu'a connu la Grèce. Et donc Alassane Ouattara est nommé Premier ministre dans cette perspective-là d'appliquer les recettes néolibérales des grandes institutions internationales. Le troisième personnage, qui est l'opposant politique historique à Oufouet Boigny, qui avait fondé le Front populaire ivoirien, d'abord un parti clandestin sous le régime de parti unique, et qui ensuite va devenir un parti officiel à partir du moment où le multipartisme va enfin s'appliquer en Côte d'Ivoire, à la fin des années 80. Donc lui, c'est Laurent Gbagbo. En octobre 2000, Laurent Gbagbo, ex-militant marxiste, converti à la social-démocratie, proche de certaines figures du Parti socialiste français, est élu à la présidence de la République face aux dirigeants d'une junte militaire qui ne lâche le pouvoir qu'à la suite d'une insurrection populaire. Les héritiers d'Oufouet Boigny et la droite française ne l'acceptent pas. La rébellion armée se déclenche quelques mois après la fin de la cohabitation entre Jacques Chirac et Lionel Jospin. C'est la guerre. Une guerre où, comme dans toutes les guerres, les agresseurs et les agressés commettent de graves exactions. Mais le récit médiatique dominant en France privilégie une comptabilité sélective. Les méfaits de l'armée ivoirienne sont mis en lumière en ce qu'ils sont censés prouver la volonté criminelle de Gbagbo. Ceux des rebelles sont souvent camouflés ou considérés comme des dérapages n'ayant surtout aucun rapport avec Ouattara. Cet alignement sur les partis pris de l'Élysée ne se formalise pas trop de fake news. Un exemple, au début du conflit armé en Côte d'Ivoire, l'enjeu pour la diplomatie française est de contester l'évidence de l'agression de la Côte d'Ivoire, de l'État ivoirien, à partir d'un pays étranger. En effet, les accords de défense entre Paris et Abidjan obligent la France à se ranger aux côtés de son allié historique s'il fait l'objet d'une attaque extérieure. Libération publie alors un article, toujours disponible sur son site internet, qui prétend qu'il n'y a ni putsch, ni mutinerie en Côte d'Ivoire, mais un règlement de compte déguisé, interne au pouvoir Gbagbo. Un peu comme si l'on écrivait, après le 11 septembre 2001 aux États-Unis, qu'il n'y avait pas eu d'attentat au World Trade Center et qu'on maintenait son article en ligne des années plus tard, au mépris des faits révélés par la suite. Écoutons ce que nous en dit David Mogé. Alors à l'automne 2002, effectivement, il y a eu un article de Libération avec une thèse qui était soi-disant d'un faux complot interne à la Côte d'Ivoire dans le but d'éliminer certaines personnalités politiques en Côte d'Ivoire, soit des opposants ou même des gens au sein du FPI. Donc c'était quelque chose de relativement trouble. En fait, on a contacté ce journaliste qui avait écrit cet article dans Libération et qui a reconnu tout à fait qu'il avait été l'objet d'une manipulation. Il avait reçu des informations, comme c'est sans doute souvent le cas, les journalistes qui travaillent sur l'Afrique, pour la plupart, ne font pas un travail de terrain. C'est-à-dire qu'ils ont des sources d'informations. Ça peut être des officiels français, ça peut être des militaires français, ça peut être des gens sur place, évidemment. Mais disons qu'ils sont à la merci, effectivement, d'une éventuelle manipulation. Et là, manifestement, c'était le cas. À d'autres occasions, la presse française majoritaire relaie des faits inventés, alors même que la diplomatie hexagonale est en difficulté. En novembre 2004, une quasi-guerre éclate entre Paris et Abidjan parce que l'armée française a détruit toute la flotte aérienne de l'armée ivoirienne qui tentait de récupérer les zones occupées par les rebelles. À l'époque, Jacques Chirac accuse Laurent Gbagbo d'être responsable de la mort de soldats français de la Force Licorne dont une base a été bombardée par des mercenaires biélorusses travaillant pour le compte de l'armée ivoirienne. Cette action hostile relève donc de la légitime défense, explique-t-on à l'époque. Entre parenthèses, il faut noter qu'aujourd'hui, on sait que l'exécutif français d'alors a plusieurs fois laissé filer les mercenaires biélorusses assassins de soldats français. Mais à l'époque, des dizaines de milliers d'Ivoiriens sont dans la rue pour protester contre les ingérences françaises. Les soldats de la Force Licorne tirent sur des foules désarmées, tuent des dizaines de civils et scandalisent l'opinion africaine. Blackout dans les médias parisiens, y compris dans Le Monde, qui distille des fake news, comme l'explique encore David Mogé. La couverture du Monde, je crois que c'est le 10 ou le 11 novembre 2004, en fait, en une du Monde, il y a une tête d'article qui explique que dans les rues d'Abidjan, des corps blancs gisent décapités. Et ça, c'est une information qui est absolument fausse. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun expatrié français ou européen occidental qui est mort pendant ces journées-là. Hein. Il y a eu les fameux soldats français morts dans le bombardement de Bouaké, mais il n'y a pas eu de mort à Abidjan au cours de ces exactions. Donc là encore, c'est peut-être une manipulation, une source française qui a voulu renforcer le sentiment que Laurent Gbagbo était décidément un président qui était prêt à bombarder les Français tellement il était hostile. Selon les accords de paix garantis par la France, la crise ivoirienne doit se conclure par des élections libres, transparentes et ouvertes à tous les candidats, après le désarmement des rebelles qui occupent plus de la moitié du pays. Mais les rebelles ne désarment pas, et la France, désormais dirigée par Nicolas Sarkozy, un ami de longue date d'Alassane Ouattara, se contente de faire pression sur Laurent Gbagbo. Ce dernier doit autoriser, en dépit de tout, des élections organisées par une commission aux mains de ses adversaires politiques. Il y a notamment un câble Wikileaks qui va expliquer que les autorités françaises font tout pour imprégner l'idée que le désarmement est une exigence absolument intenable, qui n'est pas réaliste. Et c'est une expression qui va être reprise par un certain nombre d'ONG, notamment ICG, qui produit des rapports sur la situation en Côte d'Ivoire. Et finalement, on va effectivement aller aux élections de 2010 sans désarmement. Et même pour appuyer encore un petit peu cette idée qu'on va aller dans des élections dans une situation qui est absolument impropre à la tenue des élections. Tous les 6 mois, depuis 2006, il y a des experts de l'ONU qui produisent un rapport pour surveiller l'embargo qui est mis sur les armes et sur le diamant à destination ou bien originaire de Côte d'Ivoire. Et en fait, le dernier rapport avant les élections est remis par les experts de l'ONU en septembre 2010 au comité des sanctions à l'ONU. Et de manière très bizarre, alors que d'habitude, en l'espace d'un mois, le comité des sanctions le transmet au secrétaire général de l'ONU et dès lors il est publié, tout le monde peut le lire, eh bien ce rapport va rester dans les tiroirs pendant plus de 6 mois, c'est-à-dire jusqu'au moment où Laurent Gbagbo va être évincé du pouvoir. Alors que disait ce rapport, puisque finalement on en a eu connaissance, hein, eh bien ce rapport expliquait que les deux camps à ce moment-là, plutôt que de préparer les élections, se réarmer. Et notamment pointer du doigt trois leaders de la rébellion ivoirienne. Et quand on lit les conclusions de ce rapport, hein, ils incitaient très fortement le Conseil de sécurité à prendre des sanctions contre ces commandants rebelles. Si on regarde ce qui se passe 6 mois plus tard, Laurent Gbagbo se fera évincer du pouvoir, il y aura un nouveau rapport de l'ONU, totalement contradictoire avec le précédent, et qui au contraire va demander des sanctions contre Laurent Gbagbo et quasiment l'ensemble de son gouvernement qui était en place à ce moment-là. Donc il y a eu une espèce de volte-face, le travail des experts de l'ONU était absolument remarquable, mais il a été délibérément ignoré, notamment par les diplomates français. C'est dans ces conditions confuses que se tient le scrutin d'octobre et de novembre 2010. Ce qu'on sait, c'est que les observateurs qui étaient présents sur place, notamment au niveau de l'ONU, on a eu accès à la carte de déploiement de ces observateurs. De manière assez curieuse, ils étaient beaucoup plus concentrés dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, réputé être le fief de Laurent Gbagbo, que dans le nord de la Côte d'Ivoire, où la rébellion était déployée et était en armes. Donc ça, c'est quelque chose d'assez curieux quand on le réalise. Autrement dit, dans cette élection, on a beaucoup surveillé le fief de Laurent Gbagbo et on a laissé faire ce qui se passait dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est pas très étonnant qu'on arrive à des élections extrêmement contestées, où d'un côté, la France va faire pression sur le président de la commission électorale indépendante pour proclamer des résultats, en fermant les yeux sur les irrégularités qui ont pu avoir lieu dans le nord de la Côte d'Ivoire et finalement qui donne Alassane Ouattara comme étant le vainqueur de cette élection. Et de l'autre côté, on a un conseil constitutionnel qui, lui, invalide une partie des résultats du nord de la Côte d'Ivoire et qui, du coup, donne Laurent Gbagbo vainqueur. Voilà. Mais disons que ce scénario n'est pas très étonnant quand on connaît les circonstances même de l'élection. Mais l'attitude de la France, ça va être de dire, eh bien voilà, on écoute les résultats donnés par le président de la commission électorale indépendante, et du coup, Alassane Ouattara va être qualifié de président élu reconnu par la communauté internationale, et c'est vraiment le terme qu'on va entendre sur tous les plateaux de télévision, sans s'attarder sur les conditions de cette élection. La suite, on la connaît. La France se tient aux côtés d'Alassane Ouattara pour renverser militairement Laurent Gbagbo, écarté du pouvoir. Ce dernier sera finalement traduit devant la Cour pénale internationale pour des violences qui se situent dans le cadre du conflit post-électoral. Mais aujourd'hui, on peut affirmer qu'un processus était déjà enclenché avant même la dégradation de la situation sur le terrain. C'est ce qu'explique Fanny Pigeot, journaliste indépendante, autrice de Côte d'Ivoire, une histoire tronquée, et co-autrice de L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA. Elle collabore à Mediapart et a analysé des mails ayant fuité du bureau du procureur auprès de la CPI, dans le cadre de la série de révélations dénommée « Les secrets de la Cour ». Mediapart a eu accès à un certain nombre de documents, un certain nombre d'emails notamment, qui montraient de manière évidente qu'il y avait eu des contacts. Donc là, c'était vraiment la preuve écrite qu'il y a eu des contacts au début de la crise post-électorale. Donc la crise commence début décembre 2010. Et il y a eu des échanges de mails entre une ancienne responsable à un poste important de la Cour pénale internationale, qui était diplomate française, qui avait rejoint le bureau de la France à l'ONU à New York. Et donc cette diplomate envoyait un mail à Luis Moreno Ocampo, donc son ancien patron, toujours lui procureur de la CPI à l'époque, lui disait, je ne sais plus les termes exacts, mais j'ai besoin de savoir ce que tu as dit hier dans ta conversation avec Alassane Ouattara. Là, ça, c'était avant les premières violences post-électorales. Il s'était encore rien passé de violent quand cet échange de mails se fait. Et c'est quand on voit ça et quand on fait des recherches sur cette question-là, on est extrêmement étonné de voir que le procureur a déjà des contacts avec l'une des parties en conflit. Alors que la guerre post-électorale s'envenime, des diplomates et fonctionnaires internationaux français se trouvant à la Cour pénale internationale, au siège des Nations Unies ou à Paris, s'affairent pour monter le dossier de transfèrement de Laurent Gbagbo alors qu'il est toujours au pouvoir à Abidjan. Ensuite, j'ai regardé d'autres documents qui montraient que les échanges de mails entre la diplomatie française et des employés de la Cour pénale internationale, plutôt français d'ailleurs, puisqu'il y a des représentants français, ont continué pendant des mois, les uns et les autres, ont cherché le moyen des moyens légaux pour pouvoir faire en sorte que Laurent Gbagbo soit transféré à la CPI, en tout cas qu'il y ait une enquête qui soit ouverte. Et c'était très compliqué, ils n'arrivaient pas à trouver. Donc pendant des mois, on suit leurs échanges, et ils n'arrivaient pas à trouver parce qu'à l'époque, la Côte d'Ivoire n'avait pas ratifié le statut de Rome, qui est le fondement juridique de la Cour. Et voilà, ils n'avaient pas de justificatif, de base légale pour pouvoir justifier une arrestation de Laurent Gbagbo. Et ça a continué jusqu'au 11 avril 2011. À ce moment-là, personne n'a encore la base légale pour pouvoir faire quelque chose contre Laurent Gbagbo au point de vue de la justice internationale. Mais là aussi, il y a de nouveau un échange de mails. Et alors là, ça vient, cet échange de mails est aussi extrêmement intéressant quand on s'intéresse de près à tout ça. Il est question à ce moment-là, ce sont des diplomates français qui sont au sein de la Cour pénale internationale ou des cadres en tout cas de français qui s'adressent à la diplomatie française, donc là des diplomates en poste, leur disant qu'il y a un message pour Alassane Ouattara disant qu'il faut surtout pas relâcher Laurent Gbagbo. Et quelques jours plus tard, un ou deux jours après, il a été transféré dans le nord de la Côte d'Ivoire où il a été enfermé dans une petite maison et pendant près de 8 mois sans voir la lumière du jour dans des conditions difficiles, mais tout ça sans base légale. Ni lié à la législation ivoirienne. Et là, à ce moment-là, la CPI, elle avait toujours rien. N'avait rien contre lui, ne pouvait rien faire contre lui. La seule solution qu'ils ont trouvée pour faire en sorte qu'il y ait une enquête qui soit ouverte contre lui, c'est que le bureau du procureur s'auto-saisisse, en fait. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Et l'enquête est à peine ouverte que Laurent Gbagbo est transféré. Donc, il y a un problème. Déjà, on s'interroge évidemment sur ce processus extrêmement rapide. Et en réalité, il n'y a eu aucune enquête. De facto, c'est sur la base d'articles de presse et de rapports d'ONG reprenant le narratif de la France officielle que Luis Moreno Ocampo, puis sa successeuse Fatou Bensouda, montent leur dossier d'accusation. L'enjeu est de confronter le storytelling médiatique unilatéral au contradictoire judiciaire. Avant le procès à proprement parler, il faut d'abord passer par l'étape de confirmation des charges, c'est-à-dire évaluer la solidité du dossier en vue d'une inculpation. Et déjà, les choses coincent. Nous sommes en 2013. Au moment de la première audience qui est censée confirmer les charges, on se rend compte que deux juges vont dire bah « Non, le dossier n'est absolument pas solide pour justifier une inculpation ». Et normalement, il aurait fallu à ce moment-là qu'on libère Laurent Gbagbo, puisqu'il y avait deux juges sur trois, ils étaient trois pour cette chambre préliminaire. Deux juges sur trois, ils décident à la majorité, ayant dit bah, « On ne peut pas l'inculper, il n'y a pas les bases suffisantes ». La première nouvelle surprise, les juges finalement vont dans un autre sens et donnent un an supplémentaire à la procureure, qui était à l'époque devenue Fatou Bensouda, et donc lui donne un an supplémentaire pour enquêter. Finalement, un an plus tard, les choses ont un peu changé dans les décisions des juges, puisqu'ils ont décidé finalement de l'inculper. Y a-t-il eu des pressions pour que ce procès, dans lequel Paris a tant investi, ne tourne pas court en 2013? En tout cas, des fuites de mails échangés entre Luis Moreno Ocampo, qui n'est plus le procureur auprès de la CPI, et la diplomate française Béatrice Le Frappeur du LN, montre que cette dernière est informée du contenu des délibérations entre les juges, qui est censé être secret. Ils disent que Gbagbo va être relâché le 28 mai. Qui a dit ça? Oh non! Les juges vont demander plus d'informations. À quel propos? Je ne sais pas, plus de preuves je suppose. La juge belge dit qu'elle ne croit pas au mode de responsabilité qui a été retenu contre Gbagbo. Le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blégoudet commence finalement le 28 janvier 2016 avec les auditions des témoins de l'accusation. Au fil des semaines et des mois, c'est un véritable fiasco qui se confirme. Les rares expertises balistiques ou médico-légales ne recoupent pas le récit de l'accusation. Les fonctionnaires onusiens qui assuraient détenir des preuves de crimes contre l'humanité sont absents du prétoire. Prenons l'exemple du bombardement supposé d'un marché à Bobo, un quartier d'Abidjan censé avoir eu lieu le 17 mars 2011. Le lendemain, les Nations Unies publiaient un communiqué catégorique. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est dit vendredi choqué par les obus de mortier tirés d'un camp militaire jeudi sur un marché du quartier d'Abobo à Abidjan par des forces loyales à l'ancien président Laurent Gbagbo. L'incident, qui aurait fait une centaine de morts et de blessés, pourrait constituer un crime contre l'humanité. L'examen des projectiles tirés jeudi après-midi au marché d'Abobo et dans ses environs permet de confirmer qu'il s'agissait d'obus de mortier de 81 mm. Le propos est catégorique, mais les preuves évoquées dans le communiqué ne sont pas rendues publiques par la suite lors du procès. Le procureur auprès de la CPI change même de version et évoque plutôt des obus de mortier de 200 mm sans lui non plus prouver quoi que ce soit. Des vidéos de violences ayant eu lieu au Kenya se retrouvent dans la liste des preuves du bureau du procureur. De manière générale, les rares expertises balistiques et médico-légales ne confirment pas la trame de l'accusation. En dépit des millions d'euros investis dans cette procédure, il n'y a rien de sérieux contre Gbagbo. Le fait qu'il ait été acquitté n'est logique quand on sait à quel point effectivement les 82 témoins de l'accusation n'ont absolument rien apporté pour étayer la thèse du procureur qui disait lui que Laurent Gbagbo avait monté un plan commun, ça c'est le terme officiel, avec son entourage et que l'idée de ce plan commun c'était de garder le pouvoir à tout prix, y compris en tuant des civils et en les ciblant selon des critères ethniques. Il n'y avait rien absolument dans ce que disaient les témoins qui pouvaient étayer ça et une partie des témoins donc faisaient soit des récits incohérents, imprécis. C'était assez impressionnant à suivre. Et puis une autre était complètement favorable à Laurent Gbagbo, tel point que certains ont été déclarés témoins hostiles par le procureur qui voyait ses témoins lui échapper. Acquitté le 15 janvier dernier, l'ancien président ivoirien et son collaborateur demeurent en prison. Au moins jusqu'au 1er février, c'est-à-dire 3 jours après la diffusion de cette chronique. Une originalité qui trouverait sa justification dans le dédale procédural de la CPI. Manifestement, le procureur veut s'assurer que les ex-accusés, désormais innocentés, ne puissent pas rentrer dans leur pays après leur sortie de prison, ce qui est de nature à alimenter les accusations de manipulation politique. C'est une justice bipolaire, c'est une justice schizophrène. Elle dit le matin une chose, elle se dédie l'après-midi et le lendemain, elle réjuge dans le sens contraire ce qu'elle a déjà jugé la veille. Donc c'est une justice scandaleuse. Mais une fois encore, les décisions qui sont prises par la Cour pénale internationale ne sont pas des décisions de justice, ce sont des décisions politiques. Parce que quand on gratte le vernis du droit, bien, tout de suite, on voit la politique, on voit la diplomatie, on voit la main de l'Élysée, on voit les intérêts français, on voit les officines de la France-Afrique. C'est cela, là, ces pays. Difficile de savoir si la Cour pénale internationale survivra à toutes ces éclaboussures. Mais il est important de dire et de redire qu'au-delà des insuffisances techniques et de la faiblesse des capacités d'enquête du bureau du procureur, ce qui la ronge aujourd'hui est surtout la prise en otage du bel idéal de lutte contre l'impunité par des puissances occidentales et en particulier par la France. Une fois de plus, les droits de l'homme ont été cyniquement instrumentalisés par de vieux impérialismes qui veulent légitimer par le droit les guerres qu'ils provoquent, histoire de masquer leur barbarie si distinguée. Et s'il ne parvenait au fond qu'à alimenter dans les pays du Sud la défiance vis-à-vis de la démocratie, nourrissant par la même occasion les nationalismes radicaux qu'ils prétendent combattre. Le débat est ouvert. 84e revue de la semaine qui commence maintenant avec le générique. Mais à l'inverse, du côté des macronistes, c'est plutôt la pagaille. Et puis vous comprenez, mobiliser pendant 12 semaines le 9/10 des forces disponibles dans la police pour faire une besogne que les policiers eux-mêmes commencent à trouver totalement hors de propos par rapport à leur métier, Quand on devient policier, c'est pas pour aller réprimer des manifestations qu'on le devient. Hein. On le devient parce que on veut être gardien de la paix, parce que on veut faire la chasse aux bandits, aux voyous, pas aux manifestants dans lesquels il y a votre propre famille. Il y a donc une usure qui existe à l'intérieur des forces de police et dans le commandement politique de toute cette affaire. Car tout ne tient que par ça. Le pouvoir macroniste ne tient que par sa capacité tous les samedis à réprimer, à mentir sur le nombre de participants, à exagérer les gens qui participent. Alors cette manifestation grotesque de foulards rouges où il y était une poignée qu'ils ont évaluée, la préfecture de police qui d'habitude dit qu'elle ne fait pas d'évaluation des manifestations politiques, pour une fois si elle en a fait une, est complètement extravagante en disant qu'il y avait 10 000 personnes, c'est-à-dire plus que de gilets jaunes le samedi dans Paris, c'est grotesque, et avec des slogans absolument débiles du genre Mélenchon démission, parce qu'ils criaient ça avec leurs banderoles. Bon, qui au passage évidemment me cible encore une fois, me désigne encore une fois comme la cible principale de tous ces enragés, qui étaient en effet, comme l'a dit quelqu'un sur les réseaux sociaux, il dit écoutez, s'il y a une foule haineuse, c'est pas les gilets jaunes, c'est bien ces gens qui ont tenu des propos contre les gilets jaunes, que les gilets jaunes ne tiennent pas contre le reste de la population. Vous avez vu tous ces bons gros bourgeois crier les gilets jaunes au boulot, feignants, et ainsi de suite, enfin des choses absolument incroyables. Et ça, Macron joue sur cette mentalité. Mais en même temps, il s'use, il s'épuise. Et si nous tenons bon, et si nous élargissons la base d'action des gilets jaunes par notre propre participation et par la protection politique que nous apportons contre les condamnations judiciaires excessives, contre les violences qui sont commises contre les gilets jaunes, eh bien, nous pouvons permettre à ce mouvement d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la satisfaction des revendications qu'il porte, premièrement celle d'égalité sociale avec le rétablissement de l'ISF, l'interdiction des écarts excessifs de salaire dans les entreprises et toutes ces revendications qui sont présentes comme l'augmentation du SMIC et des salaires d'une manière générale. Les revendications démocratiques, c'est-à-dire le référendum d'initiative citoyenne, pour ne prendre que cet exemple. Mais ça va m'amener à la perspective politique. Vous voyez, tout concourt à donner raison à ce que nous avons mis sur la table dès la campagne présidentielle. Les institutions politiques en France sont à bout de souffle. En voulez-vous une preuve ? Une explosion de colère pareille qui ne trouve pas son expression dans l'hémicycle. Quand vous arrivez à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, une fois que vous avez enlevé les insoumis, les communistes et apparentés, c'est terminé, tout le reste est contre le mouvement des gilets jaunes. C'est quand même inouï de voir ça. Les trois quarts de l'hémicycle contre un mouvement populaire de masse dans le pays. C'est donc bien que ces institutions sont totalement tétanisées et coupées de la vie réelle. Mais s'il fallait une preuve parmi d'autres, mais comme étant la signification par le fait que nos adversaires eux-mêmes font l'aveu de l'épuisement de ces institutions, ben c'est l'organisation du grand débat. Normalement, dans une démocratie, il n'y a pas besoin d'organiser un grand débat avec tout le monde 18 mois après une élection présidentielle et sur des thèmes aussi importants que la fiscalité, l'écologie et la vie citoyenne du pays. Donc si on est obligé d'organiser un grand débat, c'est bien parce que les institutions sont à bout de souffle. Et donc, ça repose la question du changement constitutionnel. La Constitution, c'est la règle du jeu. Mais là, M. Macron a dit, c'est moi qui ferai une proposition en fonction de ce que j'aurai entendu. Pourquoi ? Pourquoi lui ? Qui est-il pour avoir ce droit ? C'est écrit nulle part dans la Constitution. Le président de la République écoute le peuple et fait des propositions. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non, le peuple a le droit d'être lui-même constituant. Et c'est ce à quoi nous croyons, nous, les insoumis, depuis notre programme L'Avenir en commun, et que nous voyons comme la solution positive, la solution de sortie par le haut, la solution pacifique à la grande crise dont atteste le mouvement des Gilets jaunes. Bon, mon propos est un peu long, mais j'espère qu'il fasse réfléchir. Premièrement, il y a une dérive autoritaire du pouvoir. Deuxièmement, elle se nourrit du silence et de la complaisance de beaucoup de forces qui, normalement, devraient être du côté de la défense intransigeante des droits démocratiques et des droits sociaux. Et troisièmement, elle permet d'installer un paysage politique dans lequel on discrédite les personnes et où on invisibilise les causes profondes du mouvement. À cela, il y a une réponse, l'action. L'action avec les gilets jaunes, l'action avec les assemblées citoyennes, l'action pour l'émergence d'une assemblée constituante dans notre pays. Dans ces conditions, voyons le calendrier et voyons les rendez-vous. Les rendez-vous, bien sûr, ils sont toujours sur les ronds-points. Il faut faire attention parce que la police vient assez souvent pour évacuer les ronds-points. Le rendez-vous, c'est ce samedi. Vous le savez bien, samedi, dans la marche, vont marcher devant les victimes les blessés, les éborgnés, tous les blessés de la répression. Et puis, nous avons un autre rendez-vous, c'est le 5 février. Ce jour-là, la CGT a appelé une grève générale. Et il s'est trouvé que parmi les Gilets jaunes, beaucoup ont appelé à participer à ce 5 février par des actions toute la journée, en, disent-ils, bloquant la vie économique du pays. Bloquer la vie économique du pays, ça veut dire les pompes à essence, les grandes surfaces de magasins, que sais-je encore, hein ? Bon, qui va avec une grève générale. Je suppose que c'est ça que ça veut dire, bloquer l'activité économique du pays. Et puis, un certain nombre de forces politiques aussi appellent à faire de ce 5 février un succès. Nous, les Insoumis, nous espérons que ce soit un succès. Donc, vous voyez, nous avons un calendrier qui est avec des rendez-vous. Le rendez-vous ce samedi, le rendez-vous le 5, et évidemment, le samedi qui suivra le 5, nous serons aussi dans la rue. Par conséquent, n'écoutez pas ceux qui vous disent que tout ça est terminé, parce que ce n'est pas vrai. Et quand bien même, je ne sais pas s'il se passait quelque chose de ce genre, l'éducation populaire de masse qui a été faite dans ce mouvement n'est pas perdue. Et chacun sait qu'en toute hypothèse, on retrouvera le président à ses séides, ses pompes et ses œuvres avec des bulletins de vote à l'occasion des prochaines élections européennes. Mais comme ça, c'est loin, on verra plus tard. En attendant, et pour l'immédiat, mobilisation, mobilisation, mobilisation. Bon, les amis, si ça vous a plu, vous mettez un pouce bleu, parce que nous, ça nous réconforte. Antoine qui fait la réalisation et moi, qui suis devant vous. Si ça vous intéresse que vous débarquez là pour la première fois et que vous avez envie d'être tenu au courant et de voir les autres épisodes, eh bien, vous pouvez vous abonner, c'est absolument gratuit. Hein. Tout le monde peut le faire. Nous sommes déjà 410 000, quelque chose comme ça. Hein. C'est la première chaîne politique du pays sur laquelle vous êtes là. Vous pouvez la retrouver aussi sur Canal Phi, qui est la télévision qui émet en continu 24 heures sur 24. Sur le site de la France Insoumise et qui a un site à part, donc vous pouvez cliquer directement Canal Phi et vous arrivez sur la chaîne de télévision. Et enfin, si cette vidéo vous a intéressé, si elle vous paraît utile, eh bien je vous en prie, partagez-la avec ceux de vos amis qui supportent ça, hein, 25 ou 30 minutes de parole de ma part. Ensuite, vous verrez dans la description en bas, vous aurez des liens sur des interventions que j'ai pu faire au Parlement et notamment celle que j'ai fait pour demander la démission de Monsieur Castaner. Vous voyez, tout ça, ça fait une possibilité pour vous de répandre des paroles qui peuvent aider à la lutte dans laquelle nous sommes engagés, vous qui me regardez et moi-même. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de L'Autre 20h, la deuxième de la semaine. Au programme aujourd'hui, la grève générale illimitée qui a débuté ce mardi 5 février. Taux de participation, composition des cortèges, revendications. On reviendra sur cette journée de mobilisation avec Romain Madoud et Irving Maggi. On fera aussi un point sur la situation du Venezuela et un focus sur le grand débat national. On a demandé à des citoyennes et des citoyens comment ils vivaient ce moment de consultation nationale. Aujourd'hui, c'est Danielle Moati-Gornet, enseignante à la retraite, qui nous en parle. On vous plongera ensuite et enfin dans l'ambiance du festival de Gérardmer qui a été bousculé quelque peu par la présence des Gilets jaunes. Après le journal, il faudra rester avec nous. Vous retrouverez l'autre interview. Ce soir, Yanis Mamdi reçoit le chercheur Romain Caillé. Aujourd'hui, c'était donc la première journée de grève à l'initiative de plusieurs organisations politiques, associatives et syndicales soutenues par les Gilets jaunes. Dans cette 13e semaine de mobilisation, Romain Madoud, qui est allé dans le cortège parisien, s'est demandé si une convergence solide et durable dans le temps entre tous ces groupes était possible. Voilà un début de réponse dans son reportage. Regardez. Ils étaient 30 000 dans le cortège parisien selon la CGT et 18 000 pour la préfecture de police. Ce mardi 5 février, militants syndicaux, politiques et associatifs ont défilé avec les Gilets jaunes contre la politique du gouvernement. Un pari réussi pour ce premier appel à la grève nationale des syndicats, soutenu par les Gilets jaunes. Une convergence nécessaire pour la plupart des manifestants que nous avons rencontrés. Pour la CGT, vaut mieux tard, arriver tard que jamais. Donc c'est plutôt pas mal qu'ils arrivent. C'est dommage que ce soit un peu tard. Mais bon, le principal, c'est d'arriver. Comme les syndicats avaient perdu un petit peu de leur toute puissance, c'est important que ça... Voilà, qu'ils redeviennent puissants et qu'on soit tous ensemble pour lutter contre cette politique. C'est l'union qui fera la force. Et puis, il faudrait qu'il y ait de plus en plus de Français qui nous rejoignent, voilà, qui adhèrent aux mêmes idées que nous. Aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de faire converger hein, l'ensemble des luttes, c'est-à-dire toutes les luttes, qu'elles soient au niveau social, associatives. Dans beaucoup d'établissements, il y a des grèves, hein, nous, dans notre secteur de la santé, dans des EHPAD, dans des cliniques. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est vrai qu'il met un peu sur le devant de la scène un certain nombre de revendications sociales, le mal-être des gens. Je pense que l'intersyndical, c'est vraiment quelque chose d'important. L'appel syndiqué, non syndiqué, avec les gilets jaunes. Moi, je porte mon gilet, pas depuis très longtemps, depuis 15 jours, alors que j'étais au manif. On est dans une période politique terrifiante au niveau européen et je pense qu'on doit être vraiment ensemble. Il était important pour nous aujourd'hui que ce premier essai, parce que c'est une première tentative, réussisse, que ça se passe bien. Et donc, on apporte notre écho et notre appui à tout ça. Moi, ce que je souhaite, c'est que la force propulsive des Gilets jaunes, le fait qu'ils ont ouvert la voie, montré qu'on pouvait faire reculer Macron, sert le monde syndical, à condition que le monde syndical soit aussi capable, justement, j'allais dire, de s'ouvrir aux formes d'organisation spécifiques des Gilets jaunes et de comprendre que le moment est suffisamment historique pour peut-être être un peu plus, volontaire, osé. Bon, voilà, nous, on commence à... Par exemple, on entend parler de grève générale. Bah, peut-être qu'à un moment donné, pour appuyer le mouvement des Gilets jaunes, ça sera nécessaire d'essayer. Voilà, je pense que c'est une période de l'histoire où ça vaut le coup d'être audacieux. Je pense qu'on a tous le même, fait tous le même combat. On se bat contre les ultra riches. Moi, je me mobilise à chaque fois qu'il y a une mobilisation, surtout quand c'est unanime comme ça. C'est fort. Aujourd'hui, ça peut être vraiment un point de jonction, un point où cette colère s'organise et peut aboutir. On est vraiment à un moment où il faut aller au-delà de la colère, qu'elle soit toujours là, mais qu'elle puisse se concrétiser vers vraiment quelque chose de très efficace pour qu'il y ait un véritable changement. Au départ, on voulait pas de tout ce qui était syndicat et politique. On voulait vraiment que ça reste un mouvement de rue. Mais là, pour certaines personnes, ils ont l'impression que le mouvement s'essouffle. Donc avec les syndicats, on a plus l'effet de masse. Et donc on espère faire bouger les choses. Si la grève se prolonge, ils vont être obligés de faire quelque chose, le gouvernement, c'est obligé, c'est pas possible, ils vont pas laisser les choses s'envenimer comme ça, c'est pas possible. Tant qu'il ne se passera rien, je continuerai tout le temps, je viendrai tous les samedis, hein. Moi je suis là tous les samedis, tous les samedis, tous les samedis. Hein. Merci à Romain Madoud d'avoir été donc dans le cortège parisien. Par ailleurs, la mobilisation ne s'est pas déroulée qu'à Paris, n'est-ce pas Irving ? Oui, Dolores. Aujourd'hui, la grève générale s'est tenue un peu partout en France, suite à l'appel lancé par Éric Drouet et la CGT. Plusieurs secteurs ont donc répondu à cet appel, la SNCF, les personnels de santé, les personnels de l'éducation nationale, du social et de la poste. Deux revendications principales, la hausse des salaires et la justice fiscale. Alors que le mouvement des Gilets jaunes est là depuis 3 mois, que leurs revendications ont été posées sur la table depuis plus de 2 mois, la CGT reprend à son compte les deux revendications phares des Gilets jaunes. Des manifestations ont été organisées partout en France. Selon les informations dont on dispose, 1 millier de personnes étaient réunies dans la nuit de lundi à mardi à Rungis, principalement Gilets jaunes, pour bloquer les portes du marché de Rungis. Plusieurs facs ont aussi été bloquées, comme c'est le cas pour Paris 8 et Tolbiac. D'autres universités comme le Mirail à Toulouse ou encore l'Université Montaigne à Bordeaux ont également été bloquées. Et des AG s'y sont tenus cet après-midi. Solidaire étudiant s'est joint aux Gilets jaunes pour bloquer le campus de l'Université Grenoble-Alpes. Les Pyrénées-Orientales, Marseille et la Normandie ont également été touchées par la mobilisation. À Rouen, les habituels ronds-points des Vaches et de la Motte ont été bloqués. Près du Havre, les blocages ont perturbé dès 6h30 du matin la circulation des autoroutes A131 et A29. D'autres blocages ont également eu lieu près du stade Océane, le stade du club de foot du Havre. Au rond-point Eurochannel de Dieppe, les Gilets jaunes ont entrepris de bloquer les transports poids lourds. À Marseille, plusieurs rassemblements ont été initialement prévus. À 5h du matin à Porte d'Aix, à 11h du matin sur le Vieux-Port et enfin à 18h, rue d'Aubagne, à l'initiative du collectif Marseille en colère, en hommage aux victimes de l'effondrement de l'immeuble qui a eu lieu dans la même rue. On peut dénombrer plus de 5000 personnes dans ces manifestations, selon les chiffres de la police et de la presse. Dans les Pyrénées-Orientales, cette fois, plusieurs services ont également été touchés. Comme je le disais tout à l'heure, la SNCF, le trafic TER a été relativement perturbé et certains services de bus ont été touchés. À Perpignan, les écoles, la poste ou encore les services de finances publiques ont vu leurs services dégradés par les grèves. À Lyon, les personnels de santé étaient mobilisés, comme le montre cette image. On apprend aussi que 4300 personnes, toujours selon la police, ont participé à la marche et plusieurs dizaines de cantines ont été fermées ou en service réduit. Un mardi noir avait été annoncé sur les réseaux sociaux à Toulouse. Une forte mobilisation s'est tenue dans les services de transport et les écoles. L'A62 a également été bloquée par des gilets jaunes. Entre 8000 et 12000 personnes étaient présentes dans ces manifs. À Bordeaux, ville où les gilets jaunes sont fortement mobilisés chaque samedi, la mobilisation a aussi pris de l'ampleur. 4000 manifestants et, selon notre journaliste Théo Cazenave, entre 200 et 300 manifestants ont été nassés et gazés. Eh bien, merci pour ce point, Irving. À présent, reparlons du Venezuela. Le pays, vous le savez, est en prise à un changement politique par la force puisque Juan Guaido, qui est l'ancien président de l'Assemblée, s'est lui autoproclamé président. Hier, la France l'a reconnu président et d'autres pays européens comme l'Espagne et l'Allemagne ont fait de même, suivant les États-Unis. Mais l'Italie, la Grèce et la Belgique s'y sont, eux, opposés, tout comme la Russie et la Chine. Alors, nous avons joint la journaliste et documentariste Angèle Savino, qui vit depuis de nombreuses années au Venezuela. Nous lui avons demandé de nous expliquer quel segment de la population soutenait chacun des deux camps. Rappelons quand même que Juan Guaido n'est qu'un président virtuel pour le moment, car il ne contrôle aucun levier du pouvoir en interne. On écoute Angèle Savino. Écoutez, pendant très longtemps, surtout à l'époque de Chavez, il y avait une véritable guerre des classes, avec une opposition entre voilà, les classes populaires chavistes et l'opposition composée majoritairement de classes moyennes et hautes. Aujourd'hui, cette polarisation n'est plus aussi évidente. La majorité des gens très pauvres continuent de bénéficier des programmes sociaux du gouvernement, donc ils soutiennent le gouvernement. Mais il y a aussi, et particulièrement dans les quartiers pauvres, des jeunes qui sont très affectés par la crise économique. Et ce qui est inquiétant dans ce secteur de la population, c'est qu'ils expriment leur violence face à Maduro. Ils sont sortis dans la rue pour s'affronter aux policiers le 23 janvier. Mais lorsque à ces gens-là, on leur demande, vous savez ce que c'est la guerre ? Ils n'ont pas conscience de ce que ça signifie. La crise vénézuélienne se traduit également par une guerre médiatique tous azimuts. Angèle Savino nous raconte comment elle la vit. Voilà. Après, au niveau international, je crois que la guerre médiatique contre le chavisme est très violente. On assiste à une véritable asymétrie au niveau de l'information. Tout se joue au niveau international. Mais du coup, la seule chaîne internationale qui défend la ligne éditoriale du gouvernement, qui est Télésour, eh bien, se retrouve finalement dans l'obligation de faire l'inverse, c'est-à-dire de minimiser l'importance de la manifestation de l'opposition et de ne parler que de la manifestation du chavisme du février, là, de samedi dernier, tout simplement parce que, de l'autre côté, les médias internationaux ont complètement occulté la manifestation chaviste. Une possible guerre civile en cas d'aggravation des pressions extérieures est dans tous les esprits. Et le seul verrou qui pourrait empêcher un tel scénario catastrophe, c'est l'armée, selon Angèle Savino. Le haut commandement militaire a réitéré sa loyauté au président Nicolas Maduro. Et les soldats, les réservistes, la milice, qui sont ceux qui sont prêts, préparés en cas à prendre les armes en cas de guerre, eh bien, ils sont très patriotes, très fidèles à la révolution. Contrairement, ça c'est important de le préciser, à d'autres pays comme le Chili, les soldats vénézuéliens proviennent des classes populaires. Ce sont des Noirs, métis, et cela remonte à l'époque de Simón Bolívar, des guerres d'indépendance, lorsque le libérateur en fait s'est uni avec le peuple pour gagner la guerre contre l'Espagne. Et c'est d'ailleurs Pétion en Haïti qui lui a fourni une aide militaire en échange de l'abolition de l'esclavage, ce n'était pas quelque chose que pouvait imaginer au début Simón Bolívar, qui provenait d'une classe très très élitiste, enfin une des plus riches du Venezuela. Voilà, et Hugo Chavez c'est pareil, il vient d'une famille pauvre, et lorsque il a organisé sa rébellion militaire contre le président Carlos Andrés Pérez, dont on a célébré hier l'anniversaire, le 4 février 1992, il a réussi à organiser une armée de 2000 personnes qui provenaient de plus de qui provenaient des classes populaires. Et puis après son le coup d'État dont il a été victime en 2002, il a organisé il a préparé en fait les soldats à défendre la patrie bolivarienne, à les former idéologiquement à cette défense de la patrie. Donc voilà, pour vous donner un exemple, samedi je discutais avec un ami au marché aux légumes et je lui disais qu'il y avait un directeur des forces aériennes qui avait appelé à ne pas reconnaître Nicolas Maduro. Et il m'a répondu ironiquement, comme toujours, les traîtres, ce sont les classes moyennes. Merci à la journaliste Angèle Savino, qui est donc sur place au Venezuela, pour son décryptage de la situation. Focus maintenant sur le grand débat national. Danielle Moati-Gornet est enseignante à la retraite et gilet jaune. Elle a déposé son cahier de doléances à la mairie de Fouras en Charente-Maritime et est venue sur le plateau du Média nous faire part de ses revendications et de son sentiment à l'égard de la grande consultation nationale qui se tient encore actuellement. C'est son face-cam. Regardez. Alors moi je m'appelle Danielle Moiti-Gornet, jusqu'au mois d'octobre j'étais encore professeure d'histoire et de géographie, je suis donc une jeune retraitée. Je suis féministe, c'est un engagement très important que j'ai depuis l'âge de 15-16 ans. Je suis syndicaliste, j'ai ma carte à Force ouvrière et je suis gilet jaune parce que dès les premiers moments, ce mouvement m'a immédiatement interpellée et m'a rappelé, je pense, le mouvement des sans-culottes. Pour moi c'est un lien avec la grande révolution. Je dirais que c'est pas ma situation sociale qui m'a amenée dans le mouvement des Gilets jaunes, parce que moi je suis une privilégiée. Ça fait longtemps que je milite pour qu'on change la vie, parce que moi je suis restée fidèle à mes idéaux de l'union de la gauche. Je peux pas être complètement épanouie dans un monde où il y a dans un pays en tout cas où il y a 6 millions de personnes pauvres, des millions de chômeurs, et puis aussi parce que j'ai une petite maison à Foura. C'est un petite ville de 4000 habitants qui est sur la côte atlantique, donc qui est très sympathique. Mais je veux dire, à part un petit nombre de personnes qui gagnent bien leur vie, les gens sont obligés de se déplacer en voiture. C'est impossible à faire autrement. Il n'y a pas de collège, il n'y a pas de lycée, donc il faut bien qu'ils accompagnent leur enfant. Pour n'importe quelle démarche, il faut prendre la voiture. Donc sur les ronds-points, j'ai su très vite qu'il y avait mon boucher, l'artisan qui vient nous faire de la plomberie, des amis qu'on s'est fait à Foura qui votent à gauche. C'est une petite ville, mais c'est quand même 40% qui votent pour le Front National. Donc c'était pas gagné que sur les ronds-points on parle d'autre chose que d'immigration. Et c'est pas du tout la question. Les gens, ils sont vraiment partis sur les problématiques de pouvoir d'achat et les problèmes mobilité, de transport. Ces gens-là, ils peuvent pas partir comme le PDG de Auchan en Belgique pour pas payer d'impôts. Alors moi, j'ai rempli deux cahiers de doléances très différents. J'en ai rempli un à Foura et j'en ai rempli un à Paris 11e, où j'habite. Alors celui de Foura était libre, c'est-à-dire on arrive et on écrit ce qu'on veut écrire. Donc j'ai beaucoup écrit. Alors comme j'ai une habitude de professeur d'histoire et de géographie surtout, j'ai fait ça à plusieurs échelles. J'ai fait échelle européenne, parce que je pense qu'on ne parle pas assez de l'Union européenne, des traités qu'il faut dénoncer, qu'il faut tenter, si c'est possible, de renégocier et voir sinon de sortir de ces traités qui nous empêche d'avoir une vraie politique différente, en particulier économique. Moi, là-dessus, je rejoins tout à fait Emmanuel Todd sur la question de l'euro. La souveraineté, ça passe aussi par la souveraineté monétaire. Après, j'ai fait quelque chose de niveau national, et donc pour moi aussi, ce qui est très important, peu discuté, même si là émerge avec les femmes gilets jaunes, ces questions d'égalité femmes-hommes. Donc, c'est une des premières choses, une loi cadre contre les violences faites aux femmes. Comme en Espagne, la loi cadre, ça permet à chaque fois qu'on fait une loi, à chaque fois qu'on fait quelque chose, de se poser la question de ces inégalités, de ces violences. Et puis après, je crois que j'ai repris les mêmes choses, l'augmentation du SMIC, la justice fiscale. Moi, je suis pour que tout le monde paye des impôts de 1 euro, mais avec des tranches qui vont prendre jusqu'à 80-90% pour ceux qui ont des très hauts revenus. Puis après, à l'échelle locale, parce qu'il y a aussi des choses à dire sur la mairie de Foura. Et puis à Paris, alors le cahier, c'est pas du tout le même, il est un peu prémâché. Alors je comprends, parce que là, quand j'y suis allée la semaine dernière, ils étaient déjà à leur deuxième cahier de doléances rempli. Donc ils ont un peu structuré ça, et donc pour un peu restreindre. Et donc là, on vous demande les premières mesures qu'on voudrait voir appliquées. Donc là, j'ai parlé évidemment toujours de la question des femmes, aussi des mesures institutionnelles, parce que moi, je pense qu'il faut une 6e République, une nouvelle constitution. Je suis plutôt pour la proportionnelle intégrale, avec même le fait qu'on aura des députés Front National. Ce parti n'a malheureusement pas été interdit quand il le fallait. Maintenant, il faut comprendre qu'on a 16 millions de personnes qui ont voté FN. C'est votre voisin, votre boucher, votre instituteur, vous ne savez pas. Et il faut bien discuter avec ces concitoyens et ces concitoyennes-là. Alors moi, j'ai une position un peu, peut-être, qui va sembler ambiguë. Alors, je pense que c'est un enfumage complet. Je pense qu'il n'en sortira rien. Je pense que c'est très bien que les partis et les syndicats n'aient pas appelé à y aller. Moi, j'irai en tant que personne. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas question que je laisse la parole à Sens Commun, qui veulent remettre en cause le mariage pour tous, etc. Ces gens-là, ils sont très bien organisés, ils ont déjà détourné des débats. Il n'est pas question que justement le Front National, l'extrême droite, les identitaires, qui vont être là, connaissent la politique de la chaise vide. Je comprends parfaitement qu'on n'y aille pas, je comprends, mais moi, mon idée, c'est que réorienter les débats comme il faut, discuter, de toute façon, ça me permettra de discuter avec plein de gens avec lesquels je ne suis pas en contact. Bah, écoutez, moi, c'est pas ce que j'ai entendu. J'étais à une manifestation à La Rochelle, je suis en contact avec les Gilets jaunes du 17, je regarde les pages de Flyrider, je regarde les stylos rouges, puisque en tant que je suis encore très proche du milieu enseignant, etc., je ne vois apparaître absolument aucune question sur l'immigration. Pour être honnête, j'ai l'impression de retrouver pas mal des idées de la France insoumise, et donc ça devrait les questionner. C'est-à-dire, soit ils étaient vraiment en avance, soit ils n'ont pas su communiquer ou pas su bien faire passer leur programme. Donc moi, j'ai voté pour eux au premier tour. Hein. Peut-être aussi, il faudrait qu'on continue à parler de la transition énergétique, qui est un peu absente quand même, ça, des problématiques. Puisqu'on parle des Gilets jaunes, ce week-end, au même moment où pour le 12e week-end, les Gilets jaunes se sont mobilisés dans les rues, eh bien, il y avait la 26e édition du Festival Fantastique de Gérardmer dans les Vosges. Les Gilets jaunes ont profité de la notoriété du festival pour venir manifester pacifiquement contre les violences policières. Camille Chastrus et Marion Plantier ont été à leur rencontre. Reportage. Tous les samedis, vous venez pas que ici, vous m'avez dit. Non, on a fait Nancy, Bar-le-Duc, Épinal, des manifestations jusqu'à 4000 personnes. Ouais. Même si les médias, du moins les médias d'État, ouais, nous ont annoncé des 500 ou 600 personnes, quoi. On est toujours entre 4 à 6 fois plus nombreux que les chiffres annoncés. Et donc aujourd'hui, c'est la première fois que vous défilez à Gérardmer ? C'est la première fois qu'on défile à Gérardmer. Est-ce que c'est le festival qui vous a poussé un peu à venir ici ? Bah, c'était le but, que ce soit un peu plus médiatisé, quand même. On n'est pas structuré, ouais. On reste libre et indépendant. Et ce qui est dommage d'ailleurs, c'est que ce soit pas comme ça au niveau national. Parce que ça éviterait les listes qui n'ont rien à faire aujourd'hui, aller en politique. Vous en pensez quoi de la liste européenne ? Ouais. Moi, je trouve que c'est pas bon. On ne peut pas aujourd'hui mettre ensemble sur une liste des gens qui viennent de chez Mélenchon avec des gens qui viennent de chez Le Pen ou pourquoi pas de chez Macron. Mais autant on peut être tous unis dans la revendication parce qu'on réclame les mêmes choses, mais on n'a pas les mêmes opinions. Je pense que la politique, laissons la faire aux politiques, on est bon dans la revendication, restons dans la revendication. Notre président, c'est un fumiste. Il nous enfume en permanence, on n'obtiendra jamais rien de lui. On sait très bien par qui il a été mis là, c'est un pion, c'est le pion qui fait son travail. Mais aujourd'hui, il n'a rien à foutre du peuple, d'ailleurs il nous méprise. Parce que quand je vois ici, vous avez tout à l'heure la dame qui tenait à côté de moi le Bordeaux, qui a 42 ans de travail en manufacture, qui a 750 euros de retraite. Bon, personnellement, je suis en retraite depuis 2008, j'ai 40 euros de moins qu'en 2008. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il m'a grignoté entre 25 et 30% de mon pouvoir d'achat, et en plus, il me met une CSG. Merci Macron. Vous avez l'impression, autour de vous, dans les Gilets jaunes, c'est plus des gens politisés, pas politisés? Comment ça se passe? Moi, je pense que les gens se politisent quand même un petit peu de plus en plus. Ouais. Donc forcément, quand on se rend un peu compte, puis qu'on s'informe surtout, bah forcément, tout débouche là-dessus. C'est l'avantage aussi de la manif, bah, c'est que tout le monde discute ensemble. Voilà, ça laisse un petit peu de côté tous les différends qu'il peut y avoir de temps en temps. Leurs armes là, gogo, qui tuent, qui blessent, qui qui estropient, il faut qu'ils arrêtent, et ouais. qui ramassent les gens qui font le désordre sans provocation. C'est faisable. Et il y a eu à Belfort, il n'y a pas eu d'échauffourée. Aujourd'hui, il faut que les gens, réveillez-vous, quoi. On veut empêcher de manifester. Et si aujourd'hui, on ne fait rien avec tous les blessés qu'il y a eu, avec tout ça, c'est pas normal. Les gens seront morts gratuitement, alors qu'on a les droits de l'homme. On est quand même dans un pays des droits de l'homme. Et tout ça, c'est honteux. C'est honteux ce qui se passe. Voilà, c'est la fin de cette autre 20 heures. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous, continuez de partager, de liker nos contenus. Ce qui fait vivre le média, c'est vous, ce sont vos dons. Alors n'hésitez pas à nous aider à financer une information libre et indépendante. Vous retrouvez tout de suite l'autre interview. Vous avez sans doute suivi cette affaire. La France va peut-être devoir rapatrier sur son territoire quelques 130 personnes présumées terroristes. Le gouvernement aurait préféré les laisser enfermer dans les prisons syriennes, mais le retrait américain change la donne. Pour décrypter cela, Yanis Mamdi s'entretient avec Romain Caillé, auteur sur Libération du blog Djihadologie. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée. Les cigares, ils changeront de bouche. Quand les stars, elles changeront de main. Quand la bonne soupe, elle changera de louche. Qui sera dans le bottin. Quand les gibus, ils changeront de tête. Quand les bagous, elles changeront de doigts. Quand l'omari changera de fourchette. Les employés, on sera les rois. Il faudra plus nous négliger. C'est nous qu'on sera les PDG. C'est nous qu'on sera les PDG. Remarquez même en Rockefeller. Je resterai quand même fils d'ouvrier. Qu'un employé à bas salaire, c'est une chose à pas oublier, oui, mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sofas ils changeront de derrière, qui c'est qui changera de biniou, quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime changera de client, quand les smokings changeront de valise, alors l'a dit, et gentiment, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Les cigares, ils changeront de bouche. Quand les stars, elles changeront de main. Quand la bonne soupe, elle changera de louche. Qui sera dans le potin. Quand les gibus, ils changeront de tête. Quand les bagous, elles changeront de doigt. Quand l'homard, il changera de fourchette. Les employés, on sera les rois. Il faudra plus nous négliger. C'est nous qu'on sera les PDG. Les PDG. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de L'Autre 20h, le rendez-vous quotidien d'actualité du média. Ce soir, on remonte le temps jusqu'au XVIIe siècle avec un nouvel épisode de Faits d'hier qui raconte l'histoire tragique de ces enfants protestants enlevés pour être rééduqués dans la foi catholique. On retournera ensuite dans l'actualité diplomatique avec le face-cam de l'économiste hétérodoxe Stefano Palombarini. Il reviendra sur la crise qui ébranle les relations franco-italiennes. Mais avant tout ça, un petit point d'actu. Aujourd'hui s'ouvre le procès de l'ancien boxeur professionnel Christophe Détinger. Souvenez-vous, la vidéo avait fait le tour des réseaux sociaux et des plateaux télé. Il doit répondre devant le tribunal correctionnel de Paris de violences volontaires en réunion sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il risque jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Vous pouvez retrouver le live tweet de notre journaliste Yanis Mamdi sur son compte Twitter. J'en profite pour vous rappeler que le média a lancé une pétition pour l'amnistie des Gilets jaunes. Vous pouvez toujours la signer sur amnistiegj.fr. Saviez-vous que des enfants protestants étaient enlevés avec la complicité de l'Église au XVIIe siècle ? C'est le sujet du deuxième épisode de Faits d'hier. Serge Garde nous raconte leur histoire dans un format original de Romain Moriconi. C'est tout de suite. Nous sommes en mai 1687. Sur le sol pierreux parisien, une enfant agonise dans d'insoutenables souffrances. Elle s'est défenestrée. Selon un témoin, l'enfant retenu dans sa chute par ses habits ne s'est pas tué toute roide, mais s'est fracassé en plusieurs endroits. On appelle le curé de la paroisse. Devant la moribonde, à la vue de cet objet si hideux, le curé tourne soutane. Pas question pour lui d'accorder l'absolution à cette fille qu'il connaît. Elle se nomme Marie Lecoq. C'était l'une des petites cloîtrées du couvent de la rue Cuvier. Si on l'avait laissée dans sa famille, les Lecoq, pour sûr qu'elle était promise aux flammes de l'enfer, car les Lecoq sont huguenots, des protestants, vous imaginez ? Aussi, les dragons du bon roi Louis, 14e du prénom, avait-il arraché Marie à sa famille hérétique ? Pour son bien, pour sauver son âme. D'ailleurs, un arrêt royal avait confirmé 2 ans auparavant la légalité de ces enlèvements. Marie Lecoq avait été adoptée par une famille catholique. Mais rien n'y a fait. Butée, d'aucuns diraient, habitée par le démon, elle a préféré se défenestrer plutôt que d'abjurer sa foi. Ces kidnappings, débutés sous Louis XIII, étaient encouragés par l'Église. Seuls quelques évêques ont exprimé leur réprobation. Plusieurs centaines d'enfants de plus de 2 ans ont ainsi été volés à leurs parents afin d'être rééduqués dans la bonne religion. Ces crimes, méconnus en France, ont perduré dans plusieurs pays d'Europe jusqu'à la fin du XXe siècle, notamment en Irlande, où les femmes engrossées dans le péché étaient enfermées dans des couvents et leurs bébés vendus sous couvert d'adoption, en Espagne sous la dictature franquiste. Les bébés des familles rouges étaient volés et vendus à des familles bien pensantes. Un trafic lucratif qui a perduré bien après la mort de Franco. Ce qui signifie qu'actuellement, des centaines de mères et d'enfants continuent à se chercher dans l'indifférence de nos instances européennes et de nos eurodéputés. Et ça me révolte. Puisqu'on parle de l'Europe, c'est la nouvelle crise qui secoue le continent. La France et l'Italie ont rappelé la semaine dernière leurs ambassadeurs respectifs. L'économiste spécialiste de l'Italie, Stefano Palombarini, nous explique les intérêts communs qu'ont Emmanuel Macron et Matteo Salvini à un tel affrontement diplomatique. C'est son face-cam. Donc Stefano Palombarini, je suis maître de conférence en économie à l'Université de Saint-Denis, Paris 8, et je fais des recherches sur la politique économique, notamment en Italie et en France. Qui gagne à alimenter la querelle franco-italienne ? Il y a une double convergence d'intérêts entre le gouvernement italien et le gouvernement français, qui explique ces pseudo-conflits qui a eu lieu récemment. La première chose, c'est qu'en France, Macron est en difficulté face notamment au mouvement des Gilets jaunes. En Italie, Salvini se porte bien, mais le mouvement 5 étoiles est en grande difficulté depuis qu'il gouverne en alliance avec la Ligue. Il y a eu des élections régionales dimanche, dans une région italienne, Abruzzo, et 5 étoiles qui avaient 40% au mois de mars 2018, donc il n'y a même pas une année, ils sont passés à 20%. Donc ils ont perdu la moitié des voix. Et donc c'est un grand classique de la politique, quand il y a des difficultés à l'intérieur, on essaie de déplacer l'attention de l'opinion publique sur des conflits extérieurs. Donc de ce point de vue-là, les 5 étoiles et Macron ont des intérêts convergents. Et l'autre facteur commun, c'est que d'une certaine façon, les meilleurs ennemis en France de Macron, c'est Le Pen, et les meilleurs ennemis en Europe, c'est quelque chose comme l'alliance italienne entre la Ligue et les 5 étoiles, et vice-versa, les meilleurs ennemis pour la Ligue et les 5 étoiles, c'est le macronisme, c'est-à-dire l'européisme néolibéral. Donc d'une certaine façon, avec ces conflits, c'est légitime réciproquement comme les deux pôles qui structurent la politique européenne. L'idée, c'est que réduire la polarité politique à ces deux options, ça marginalise toutes les autres, et notamment les options de gauche. Pourquoi les Italiens critiquent-ils le néocolonialisme français ? La critique du néocolonialisme français est présente, pas du tout dans la Ligue, mais elle est présente depuis sa naissance dans le mouvement 5 étoiles. Ça avait été mis entre parenthèses au cours des dernières années. Ça ressort aujourd'hui. Les raisons pour lesquelles ça ressort sont compliquées à comprendre parce que dans ces rapports entre gouvernements, beaucoup de choses ne sont pas dites. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une série de dossiers ouverts et conflictuels de grande actualité entre la France et l'Italie. Il y a les trains à grande vitesse qui devraient régler Lyon à Turin, pour lequel la Ligue et le gouvernement français voudraient procéder vite, alors que 5 étoiles, historiquement, c'était une grande bataille de s'opposer à cette ligne à grande vitesse. Donc, pour l'instant, le gouvernement italien hésite. Il cherche une médiation entre la Ligue et 5 étoiles. Il y a le dossier à l'Italia pour lequel qui est en faillite, qui est sous administration extraordinaire depuis 2017, et pour lequel Air France semblait pouvoir être un repreneur. Et donc maintenant, ce n'est pas sûr. Il y a le problème de la Libye, qui est un grand problème pour l'Italie, parce que c'était un des pays africains avec lequel l'Italie avait de très bons rapports, notamment en termes d'approvisionnement de pétrole. Et depuis la guerre que Sarkozy a voulu, les rapports entre l'Italie et la Libye sont devenus compliqués. Et donc là aussi, c'est un dossier sur lequel l'Italie et la France auraient intérêt à s'entendre. Bon, pendant qu'il y a tous ces dossiers ouverts, on voit ressurgir la polémique sur le néocolonialisme français. Est-ce que c'est... Je ne pense pas que ce soit sincèrement une préoccupation du gouvernement italien aujourd'hui. Même s'il y aurait beaucoup de choses sérieuses à dire, évidemment, sur la politique française en France. Politique française en Afrique. La question des migrants aggrave-t-elle le contentieux ? Donc la crise des migrants, c'est un facteur qui complique les relations entre le gouvernement italien et le gouvernement français. On sait que le gouvernement français a intérêt à désigner le gouvernement italien comme un gouvernement raciste qui ne veut pas les migrants, etc. Ça contribue au positionnement politique de Macron, qui après, lui-même, on sait très bien quel type de politique il mène par rapport aux migrants qui sont présents en France. Vu d'Italie, les choses sont vues par le gouvernement italien. Au moins, les choses sont présentées de façon différente. La polémique contre la France vient du fait qu'on considère que la France, comme d'autres pays européens, ne joue pas son rôle dans l'accueil des migrants. Et la position du gouvernement italien, c'est voilà, il faudrait que chaque pays européen accueille une partie des migrants qui arrivent. Il faudrait dépasser les traités de Dublin qui obligent, par contre, les pays d'accueil, les pays où débarquent les migrants, à les accueillir dans leur totalité. Donc là aussi, il y a une espèce de jeu de rôle. Si on regarde derrière ce jeu de rôle, en réalité, hélas, la politique sur les migrants de Macron et celle du gouvernement italien convergent dans l'idée qu'il faut moins de migrants possibles sur le sol français, il faut moins de migrants possibles sur le sol italien. Cette opposition politique qui est jouée comme si c'était une grande opposition fondamentale cache une convergence des fonds dans les politiques qui sont menées. C'est la fin de cette autre 20 heures. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que le média est indépendant. Nous existons grâce à vos dons et abonnements. Alors pour nous soutenir, devenez sociaux, parlez du média autour de vous, likez et partagez nos contenus. On se retrouve demain à la même heure. Bonne soirée. A quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. Che Guevara, vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Se tirer de Vosges Matin du jeudi 14 février 2019. Pour aller au travail, la voiture reste encore reine. Les Français n'ont toujours pas rangé leur voiture au garage. 7 salariés sur 10 l'utilisent encore pour se rendre au travail, selon une étude de l'INSEE publiée mercredi. Voilà, bah oui, se passer de sa voiture pour aller au travail, c'est, à certains endroits, c'est quasiment impossible. Crise et gilets jaunes. À mi-chemin du grand débat, le président reprend la main face à un mouvement qui se radicalise. Mais les revendications qui remontent du grand débat, le grand débat, on pourrait le mettre entre guillemets, grand débat, parce que c'est un débat qui est un peu... Hein, les idées sont pipées quand même. Pouvoir d'achat et justice fiscale comportent des exigences difficiles à concilier, dit ce journal qui était franchement favorable aux gilets jaunes au tout début du mouvement, alors que le mouvement ne donnait pas l'illusion qu'il allait être un mouvement de masse, hein. Donc voilà, un virage, social. Le chef de l'État dans l'Indre pour son septième acte du grand débat, enfin septième acte entre guillemets, non, moi je fais glisser les guillemets à grand débat. Voilà, crise des gilets jaunes. Non, les gilets jaunes ne sont pas en crise. Les gilets jaunes sont en train de continuer. Ils continuent à se battre et puis comme ils sont le dos au mur de toute façon, eh bien ils n'ont plus grand chose à perdre et ils n'ont plus qu'à se battre pour gagner. Hein, ils n'ont plus tellement le choix. L'Union européenne est une anti-Europe, dit Nicolas Abbé du RN. Christophe Nejlen s'abstient. Le député de la troisième circonscription des Vosges s'est abstenu lors du vote de la loi anticasseur. Eh bien, c'est bien. En progrès, peut mieux faire. La prochaine fois, il votera carrément contre. Eh oui, c'est ça le courage politique. C'est avoir des idées et puis s'y tenir. Hein, voter dans le sens de ce que veulent les électeurs. Ah oui, parce que les électeurs, leur rôle ne se borne pas à en une minute à mettre un bulletin dans une enveloppe et l'enveloppe dans l'urne et puis après on rentre chez soi pour 5 ans et on n'a plus rien à dire. Ah ben sûrement pas. La démocratie c'est pas ça. Blocage des Livia jusqu'à nouvel ordre. À Éloi. Le premier round des négociations sur le PSE, après l'annonce de la fermeture d'Elivia à Éloi, a tourné court. Les représentants syndicaux n'ont pas pu aborder les points importants. Le site est bloqué par les salariés. Commune nouvelle. Alors, commune nouvelle. Ah, ça s'est pourvu. Ouais. Du changement sans changement. 5. Seulement 5. Depuis 2015 et la dernière mouture de la loi incitant à la fusion des communes, seulement 5 entités nouvelles ont vu le jour dans les Vosges. Un bilan mitigé malgré les incitations financières. Incitations financières, il faudrait voir ça d'un peu plus près. Hein. Service funéraire. 2. Mourir coûte toujours trop cher. Coût moyen des obsèques, 3 350 euros. Eh ben oui, ben il y a beaucoup de gilets jaunes et de gens qui sont pas dans les gilets jaunes mais qui devraient y être, qui rien qu'à voir ce chiffre-là, coût moyen des obsèques 3 350, ça vous donne envie d'aller au rond-point avec les gilets jaunes et puis d'éviter de mourir parce que c'est trop cher. C'est pas à la portée de toutes les bourses. Échec de la fusion Alstom-Siemens. Polémique sur le veto européen. La Commission européenne refuse la fusion des deux entreprises au nom du respect de la concurrence. Ben tiens, grave erreur, ont répliqué les partisans de la fusion. Un sujet pour les élections européennes. Voilà, alors oui, il vaut mieux vendre Alstom, les turbines Alstom à CGE, compagnie General Electric plutôt, hein, une boîte américaine, que de faire une fusion, une association avec Siemens, qui est une entreprise allemande, donc européenne. Parfois, il y a l'Europe, elle mérite des coups de pied au cul. Enfin, certains dirigeants de l'Europe. Hein. Au départ, quand on a voté pour l'Europe, eh bien, on n'a pas voté pour cette Europe-là. On avait voté pour une Europe sociale, c'est-à-dire dans laquelle, par exemple, tous les salaires seraient au même niveau dans toute l'Europe, hein, de la Pologne au Portugal. Hein. Eh bien, c'est loin d'être le cas. On joue la concurrence entre les différents États et pour tirer les salaires vers le bas et les conditions de travail aussi. Voilà. Donc, c'est une Europe, c'est des pipés là. Il va falloir qu'on réagisse contre ça quand même. Le sida bientôt éradiqué, point d'interrogation. Des chercheurs français, dont des Nancéens, ont réussi à comprendre pourquoi le virus VIH parvenait à tromper les mécanismes de défense de l'organisme, ce qui ouvre des perspectives encourageantes dans le combat contre le sida. Quand l'ayatollah préparait sa révolution en France. Le 11 février 1979 est née la République islamique d'Iran. République islamique d'Iran. Il y a un mot de trop dans ce bout de phrase-là. Parce que République et islamique, ça peut parler ensemble. Hein. Voilà. République et religion, c'est pas compatible. Hein. Les gens pratiquent la religion qu'ils veulent, mais c'est pas l'État qui l'impose. Avant de la proclamer, l'ayatollah Khomeini a vécu plus de 100 jours d'exil à Naufle-le-Château, près de Paris. Que restait-il de son passage? Eh ben, il reste un État islamique. Voilà. Hein, l'Iran. Qui avant n'était pas un État laïque. Mais enfin, moi, il m'arrivait de dire beaucoup de mal du Shah et de la princesse Soraya, par la même occasion, un petit peu, quand même, à l'époque. Mais, bon, voilà. Khomeini, c'était bien pire. Bien pire que ce qui s'était passé avant. Hein. Qu'il était déjà pas brillant, hein, entre nous quand même. La France compte moins de 35 000 communes. Ah. Les fusions de communes se sont accélérées ces dernières années, grâce notamment à des incitations financières de l'État. La France reste cependant une exception avec 40% des communes de l'Union européenne. Et oui, mais une exception. Est-ce que c'est gênant que la France soit une exception? Dans ce domaine-là ou dans d'autres, par exemple la loi de la laïcité de l'État, hein, la laïcité de l'école, c'est des choses qu'il va pas falloir qu'on nous arrache, hein, parce que là l'Europe elle nous prendra des coups de pied au cul, hein, on ne cessera pas faire quand même. On veut bien faire l'Europe, mais une Europe meilleure que les États qui la constituent. Sinon, à quoi ça sert? À quoi ça servirait? Hein, si on avance à reculons, c'est pas la peine. Il y a 10 ans, l'entreprise Seb fermait ses portes. Les portes de ses ateliers à Saint-Amé et au syndicat. Ce séisme local a impacté 440 salariés, dont beaucoup n'ont pas oublié les années à construire grille-pain et autres fours. Chacun vit la fermeture de l'entreprise comme il le peut. Les années ont passé, mais la colère et la révolte sont encore bien là. De nombreux emplois ont été sacrifiés sur l'autel de la rentabilité. Et attention, on dit rentabilité, mais là on entend seulement rentabilité pour les actionnaires. Hein, pas rentabilité pour les fournisseurs, pour les clients, pour les salariés, pour l'État, pour les impôts. Non, quand on parle de rentabilité, on parle uniquement de la rentabilité pour les actionnaires. Hein. Faut pas tout mélanger. Aujourd'hui, on regrette encore la fermeture. L'aigreur, on l'a, mais notre cheval de bataille, c'est la réindustrialisation. Les métiers manuels ne payent pas, dit un monsieur qui se tient le menton avec un air pensif. Michel Nurdin, chaudronnier de métier, a monté son entreprise en 1980. Notre système politique et économique broie les petits. Eh oui, les artisans, les ouvriers sont broyés par ce système capitaliste qui a tendance à fonctionner comme un peu comme la nature sauvage. Hein, c'est-à-dire que les gros poissons mangent les moyens, les moyens mangent les petits. Voilà. Hein, ben oui. Les métiers manuels ne payent pas. À bientôt 67 ans, Michel Nurdin continue son travail par passion. Mais ce chaudronnier de Loupcourt, 54, gilet jaune de la première heure, entend dénoncer un système à la fois politique et économique qui nuit aux petits. Et comme quoi les artisans, les petits commerçants pourraient rejoindre les gilets jaunes et rejoindre les syndicats, les partis politiques de gauche en général, et même la France insoumise. Tiens. Le Big Bang des études, ils y auraient tout intérêt, hein. Leurs intérêts sont là. Le Big Bang des études de médecine, fini le numerus clausus, le classement couperet pour avoir accès à la deuxième année des études de médecine est définitivement enterré par le projet de loi santé qui sera présenté ce mercredi en Conseil des ministres. La réforme prévoit une réforme de fond en comble des études de santé avec un objectif, construire une formation centrée sur les compétences attendues d'un futur médecin. Y compris les compétences relationnelles qui sont importantes pour les patients, explique-t-on au ministère de l'Enseignement supérieur. L'examen restera sélectif, il ne faut pas confondre suppression du numerus clausus et accès de tous les étudiants inscrits en première année au reste du cursus. Le nombre de futurs professionnels de santé sera défini à la fois par l'université et les agences régionales de santé pour répondre aux besoins des territoires. besoin des territoires, mais surtout des gens qui habitent ces territoires. On parle beaucoup des territoires, je trouve. La fracture des territoires, les territoires qui demandent ceci, les territoires qui doivent faire cela. Non, non, les territoires, le territoire, c'est un coin sur une carte. Macron perd son discret conseiller présidentiel. Il avait recruté Benalla, remis les vidéos de l'agression du 1er mai à la police, maintenu le contact avec le garde du corps, Ismaël Emelien. Monsieur Kriss du président quitte l'Élysée. Le couteau suisse de la Macronie. L'homme qui parlait à l'oreille du président. Le chef de chantier d'En Marche. Le collecteur de la boîte à idées. Le conseiller très spécial. Et surtout le monsieur Kriss. Ces différentes mentions pour désigner le rôle à l'Élysée du grenoblois Ismaël Emelien, 32 ans, montrent son importance dans le dispositif du pouvoir. Conseiller du président Macron, comme il fut celui du candidat et du ministre de l'économie, on pourra ajouter dans quelques semaines le passé simple à son passage à l'Élysée. Cela dit, il a annoncé à nos collègues du Point sa démission de ce poste. Officiellement, il entend se consacrer à la promotion de son manifeste pour le progressisme. Vous entendez ça, entre guillemets, manifeste pour le progressisme. Si ces gens-là sont progressistes, eh ben, dis donc, comme dirait l'autre, si la tata, elle en avait, eh ben, voilà, manifeste progressiste. Pour le progressisme, pardon. Co-écrit avec un jeune haut fonctionnaire de l'Élysée, qui lui aussi a demandé à quitter ses fonctions. Bon. Eh ben, voilà. Thank you. urgence sociale, protégée et partagée. La France est le pays d'Europe qui compte le plus de millionnaires, plus de 2 millions de personnes. Conséquence, la pauvreté gagne du terrain, le chômage se généralise, l'État se disloque et les services publics reculent. Comment sortir de cette spirale ? L'appauvrissement des classes moyennes et les misères du peuple n'ont rien de fatal. Notre pays n'a jamais été aussi riche. Il est donc temps de se donner les moyens de partager la charge de travail nécessaire. Protégeons de la finance les salariés et la production en France. Révolutionnons les impôts pour que tout le monde paye et que chacun le fasse selon ses moyens réels. Jean-Luc Mélenchon. 16. Mettre fin au pillage économique de la nation. Le règne de l'oligarchie est aussi celui du pillage sans limite ni honte des biens publics. Infrastructures, services publics, fleurons industriels ou technologiques, industries de souveraineté, combien de privatisations à vil prix, de partenariats abusifs, d'argent confisqué voire détourné. L'intérêt général doit être défendu et protégé de ses adversaires par la loi et la justice. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Créer une mission parlementaire spéciale pour faire le bilan de toutes les privatisations et faveurs fiscales décidées au cours des 3 décennies passées. Revenir sur les programmes de privatisation, aéroports, autoroutes, parcs publics, etc. Décréter un moratoire sur les partenariats publics-privés, PPP, abroger les dispositions législatives les permettant et pratiquer un audit de ceux qui sont en cours. Mettre en place une commission d'enquête parlementaire sur le pillage économique et industriel des dernières années, abandon de fleurons comme Alstom, Alcatel, EADS, et permettre la mise en examen et la détention préventive des suspects. Poursuivre les atteintes aux éléments essentiels du potentiel scientifique et économique faisant partie des intérêts fondamentaux de la nation selon l'article 410 alinéa 1 du Code pénal. Rendre effectif le droit de réquisition des entreprises d'intérêt général par l'État. 17. Instaurer un protectionnisme solidaire pour produire en France. L'économie productive et l'emploi sont attaqués. La libre circulation des capitaux et des marchandises dans l'Union européenne et le monde entier donne tout pouvoir à la finance contre les productifs, aux multinationales contre les PME et aux actionnaires contre les salariés. Bilan, des droits sociaux soumis au chantage permanent du dumping, un bilan écologique désastreux, une industrie dévastée, une agriculture désorganisée, des régions entières condamnées. Le grand déménagement du monde doit cesser. Il faut relocaliser les productions. Nous avons besoin d'un protectionnisme solidaire au service de l'intérêt général contre les multinationales et la mondialisation financière. La défense de notre souveraineté industrielle est une condition indispensable à la fondation de nouvelles coopérations internationales. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Faire l'inventaire et l'évaluation des accords déjà appliqués pour construire une autre politique internationale des échanges commerciaux basée sur la coopération et inspirée de la charte de La Havane, permettant de pratiquer des politiques de protection des droits sociaux et de l'emploi. Adopter des mesures anti-dumping d'urgence sur les industries stratégiques, acier, photovoltaïque. Augmenter immédiatement les droits de douane pour les pays aux droits sociaux limités, travail des enfants, absence de droits syndicaux, prendre des mesures de rétorsion commerciale contre les paradis fiscaux. Imposer le respect de normes sociales et écologiques pour la commercialisation des produits importés en France. Réviser le code des marchés publics pour favoriser les entreprises de l'économie sociale et solidaire, les produits et services écologiques, l'activité locale. 18. engager un plan de relance de l'activité et de l'emploi au service de la transition écologique. La bifurcation écologique et la révolution numérique imposent des investissements massifs pour changer les modes de production, d'échange et de consommation. Ce serait un levier formidable pour créer des emplois de qualité et vivre mieux, alors que le chômage atteint un niveau sans précédent. Nicolas Sarkozy et François Hollande ont créé un chômeur de plus toutes les 2 minutes depuis 10 ans. L'appareil de production français souffre de sous-investissement malgré les milliards d'euros offerts au MEDEF. Et les infrastructures publiques, telles le réseau ferré, sont abandonnées en silence. Un plan de relance massif est vital à brève échéance. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Injecter 100 milliards d'euros supplémentaires dans l'économie pour des investissements écologiquement et socialement utiles. Transformer les 41 milliards d'euros annuels du pacte de responsabilité et du crédit d'impôt compétitivité, soit 2% du PIB chaque année, 200 milliards d'euros sur un quinquennat, pour financer la transition énergétique et les activités socialement utiles. Remettre à plat l'ensemble des aides publiques et exonérations d'impôts ou de cotisations accordées aux entreprises, évaluer leur efficacité et revenir sur les aides antisociales et anti-écologiques. Réindustrialiser le pays par l'investissement, le rétablissement de plans de filières pour coordonner donneurs d'ordres et sous-traitants, clients et fournisseurs, par exemple SNCF et Alstom pour la filière ferroviaire, etc., la création de pôles publics dans l'énergie ou les transports, la défense des industries stratégiques et la reconstruction de conglomérats combinant plusieurs activités. 19. Mettre au pas la finance. La finance a mis par terre l'économie réelle en 2008. Elle devait être l'adversaire du président sortant. Elle ne s'est jamais aussi bien portée et les revenus des actionnaires n'ont jamais été aussi élevés en France. Notre pays a le record d'Europe du versement de dividendes. De nouvelles bulles se forment et menacent d'une déflagration encore plus terrible. Il est plus que temps d'agir. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Séparer les banques d'affaires et de détail. Contrôler les mouvements de capitaux. Instaurer une taxe réelle sur les transactions financières. Interdire les ventes de gré à gré et la titrisation. Plafonner les effets de levier et les rendements actionnariaux exorbitants. Identifier et interdire les produits dérivés toxiques et inutiles au financement ou à la couverture des flux économiques réels. Engager les procédures de recouvrement des 2,2 milliards d'euros d'argent public accordés sans preuve à la Société Générale suite à l'affaire Kerviel, évaluer les actes comparables et poursuivre les coupables de ces abus. 20. Définanciariser l'économie réelle. Les financiers étranglent chaque jour les PME et les ménages. Les actionnaires exigent des taux de rendement intenables, obtenus au détriment des droits sociaux et de l'appareil de production. Ils imposent la tyrannie du temps court sur le temps long de l'activité humaine et de l'impératif écologique. Il faut leur reprendre le pouvoir. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Mettre fin à la cotation continue des entreprises en bourse. Moduler les droits de vote des actionnaires selon la durée d'engagement dans l'entreprise, en réservant le droit de vote aux actionnaires acceptant de s'engager sur une durée de présence. Moduler l'impôt sur les sociétés selon l'usage des bénéfices pour encourager l'investissement en France, un taux réduit pour les bénéfices réinvestis en France, un taux plein pour les bénéfices distribués aux actionnaires. Augmenter la mise en réserve légale, aujourd'hui à seulement 5% des bénéfices, qui oblige l'entreprise à conserver une part de son résultat plutôt que de le distribuer entièrement en dividendes. Limiter les LBO aux seules procédures de reprise des entreprises par les salariés. Leveraged buyout. mécanisme financier permettant aujourd'hui à quelques actionnaires de faire main basse sur une entreprise. 21. Mobiliser l'argent pour financer les petites et moyennes entreprises et la création d'emplois. Chaque jour, les petites entreprises meurent faute d'être soutenues par les banques. À l'inverse, des milliards d'euros sont perdus sans contrôle ni contrepartie industrielle, sociale ou écologique. Finançons enfin l'économie réelle et les PME, pas les multinationales et les actionnaires. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Créer un pôle public bancaire, notamment par la socialisation de banques généralistes, en vue de financer les entreprises et de mener une politique du crédit sur critères sociaux et écologiques. Accorder une licence bancaire à la Banque publique d'investissement dans son ensemble, groupe BPI France, pour lui permettre de se financer auprès de la Banque centrale. Financer l'escompte des PME à taux zéro par le pôle financier public. Réserver l'avantage fiscal de l'assurance vie aux fonds investis en France. Encadrer la sous-traitance et étendre la responsabilité juridique, sociale et écologique des donneurs d'ordre. Créer un fonds de solidarité inter-entreprise pour mutualiser la contribution sociale entre toutes les entreprises. Mettre à contribution les grandes entreprises et les groupes pour soulager les PME et assurer la solidarité financière entre donneurs d'ordre et sous-traitants. Il sera financé grâce à une contribution des entreprises selon un barème progressif. 22. Protéger et généraliser l'économie sociale et solidaire et l'économie collaborative. Face à la prédation de la finance et à la dictature des actionnaires, une autre économie est possible. Elle existe déjà, avec des centaines de milliers d'entreprises et des millions d'emplois. Elle doit être développée et renforcée. La révolution numérique peut être un levier pour de nouvelles activités réellement collaboratives. Mais cela suppose de ne pas laisser le champ libre aux multinationales et aux stratégies lucratives ou d'évasion fiscale qui prévalent aujourd'hui. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Reconnaître un droit de préemption aux salariés pour former une coopérative en cas de fermeture ou de vente de leur entreprise. Généraliser l'économie sociale et solidaire, garantir son accès au financement et au marché public. Encadrer le développement des activités liées à l'économie collaborative pour préserver le caractère de partage et d'utilité sociale contre la privatisation, l'évasion fiscale, la concurrence déloyale et stopper l'ubérisation des activités. 23. Empêcher les licenciements boursiers dans l'entreprise pour conserver et développer l'emploi. Relancer l'économie ne suffira pas à créer des emplois si les logiques financières continuent de dominer et si les actionnaires continuent d'avoir tous les droits dans la gestion des entreprises. Pour que l'activité économique soit créatrice d'emplois, utile écologiquement et socialement, il est indispensable de donner de nouveaux droits aux salariés et à leurs représentants dans les entreprises. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Interdire les licenciements boursiers. Interdire le versement de dividendes dans les entreprises ayant recours à des licenciements économiques. Accorder un droit de veto suspensif aux comités d'entreprise sur les plans de licenciement. Réformer les tribunaux de commerce et les procédures de redressement et liquidation d'entreprises pour donner plus de pouvoir aux salariés et à leurs représentants. Refondre la procédure judiciaire de contestation des licenciements économiques pour qu'ils ne puissent être effectifs avant épuisement des recours. Refonder le recours à la rupture conventionnelle pour empêcher les licenciements déguisés. Garantir et renforcer les pouvoirs de l'inspection du travail et des instances représentatives de salariés. Doubler les effectifs de l'inspection du travail pour lui permettre d'être plus efficace dans la protection de l'emploi et des salariés, dans la lutte contre la souffrance au travail et dans l'assistance juridique aux PME. 24. Abroger la loi El Khomri. Le mouvement social contre la loi El Khomri a montré combien les luttes sociales et républicaines sont liées. La loi El Khomri a mis fin à la hiérarchie des normes sociales. Désormais, un accord d'entreprise peut s'imposer même si un accord de branche ou la loi sont plus favorables aux salariés. Cela devra être supprimé. C'est la porte ouverte au dumping à l'intérieur d'une même branche, entre entreprises, et à la régression de tous les droits des salariés. L'accord d'entreprise ne doit primer que s'il est plus favorable aux salariés. Il en va de l'égalité des salariés et de la justice entre les entreprises. Nous rétablirons la hiérarchie des normes sociales et le principe de faveur. 25. Éradiquer la précarité, respecter les métiers et les travailleurs. 85% des contrats signés sont aujourd'hui des contrats précaires, CDD, intérim, etc. Sans compter les temps partiels contraints, quasi exclusivement occupés par des femmes, qui ne permettent pas une paye suffisante pour vivre dignement. Cette vision jetable des salariés dévalorise le travail, nie les métiers et les savoir-faire. C'est humainement destructeur et économiquement nuisible. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Réaffirmer dans les faits le CDI comme norme du contrat de travail. Instaurer un quota maximum de contrats précaires dans les entreprises, pas plus de 10% de contrats précaires dans les PME, pas plus de 5% de contrats précaires dans les grandes entreprises. Faciliter la requalification en contrat de travail salarié des auto-entrepreneurs à clients uniques et des collaborateurs exclusifs des plateformes dites collaboratives, Uber. Lutter contre le temps partiel contraint qui touche 80% des femmes. Régulariser les travailleurs sans papier pour assurer l'égalité sociale entre travailleurs. Titulariser tous les précaires des trois fonctions publiques. 26. Construire un nouveau statut protecteur pour les travailleurs, la sécurité sociale intégrale. La précarité ne doit pas seulement être stoppée dans l'urgence, elle doit être éradiquée. La peur du lendemain gangrène tout. Survivre n'est pas vivre. De nombreuses propositions sont sur la table pour construire une nouvelle ère protectrice pour les travailleurs, salariés et non salariés. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Assurer la continuité des droits personnels hors du contrat de travail, droit à la formation, ancienneté, etc. Garantir la continuité du revenu en cas de perte d'emploi ou de retrait d'activité dans le cadre d'une sécurité sociale professionnelle. Établir le droit opposable à l'emploi en faisant de l'État l'employeur en dernier ressort. En cas de chômage de longue durée, l'État doit proposer un emploi au chômeur en lien avec sa qualification sur une mission d'intérêt général. L'indemnisation par l'allocation chômage se poursuit jusqu'à ce qu'un tel emploi soit proposé par l'État. Refonder le service public de l'emploi en identifiant clairement chacune des missions. Conseil et accompagnement, indemnisation, orientation et formation professionnelle. Donner la liberté aux artisans, commerçants, indépendants, chefs d'entreprise et auto-entrepreneurs de s'affilier au régime général de la sécurité sociale plutôt qu'au régime social des indépendants, RSI. 27. Donner aux jeunes les moyens de leur autonomie. Les jeunes commencent leur vie par un parcours d'obstacles. Difficulté à payer leurs études, à trouver un premier emploi ou à accéder à un logement, etc. Les jeunes des classes populaires sont les plus frappés, mais ils sont loin d'être les seuls concernés. L'autonomie est un droit, l'État doit la rendre possible. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Instaurer une allocation d'autonomie pour les jeunes de 18 à 25 ans, d'une durée de 3 ans, sous réserve d'une formation qualifiante et sous conditions de ressources. Remplacer les emplois d'avenir par un contrat jeune d'une durée de 5 ans dans le secteur non marchand et public ouvrant droit à une formation qualifiante en alternance ou à une préparation au concours de la fonction publique. 28. Réduire le temps de travail, travailler moins pour travailler tous. Pourquoi tant de gens s'épuisent au travail alors que d'autres s'épuisent à essayer d'en trouver ? Le progrès technique et la productivité des travailleurs français permettent au contraire de travailler tous en travaillant moins. La réduction du temps de travail est un objectif historique particulièrement pertinent en ces temps de révolution technologique. Mais c'est aussi la politique la plus juste, la plus efficace et la moins coûteuse contre le chômage. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Généraliser une sixième semaine de congés payés pour tous les salariés. Appliquer réellement et immédiatement les 35 heures, majorer les heures supplémentaires, 25% pour les 4 premières et 50% et plus au-delà. Revenir sur la flexibilisation, l'annualisation, l'intensification et les horaires fractionnés. Revenir sur le forfait jour et le limiter au seul cadre dirigeant. Revenir sur les élargissements du travail du dimanche. Convoquer une conférence nationale sur le partage du temps de travail et l'impact du progrès technologique. Favoriser le passage à la semaine de 4 jours pour aller vers les 32 heures et appliquer les 32 heures pour les salariés en travail de nuit et les métiers pénibles. Harmoniser les temps sociaux par jour, semaine, année, vie. Installer des bureaux du temps ayant pour mission l'évaluation de la synchronie des temps sociaux constatés, concordance entre les horaires de travail et de garde d'enfants par exemple. L'aide à la formulation des demandes pour l'organisation de la réduction des temps de transport emploi-domicile et de bourses d'échange d'emploi. 29. Instaurer un salaire maximum autorisé pour les dirigeants d'entreprise. Les inégalités ont explosé ces dernières années. Les revenus des dirigeants des grandes entreprises sont chaque fois un peu plus indécents. Que font donc ces gens pour mériter de tels salaires ? N'y a-t-il pas moyen de faire le travail de meilleure façon et pour moins cher ? Bien sûr que si. Les actionnaires ont montré qu'ils ne voulaient pas limiter les rémunérations des grands patrons. La loi doit donc le faire. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Fixer un salaire maximum autorisé pour limiter l'écart de 1 à 20 entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut dans une entreprise. Interdire les parachutes dorés et les retraites chapeaux. Supprimer les stocks options. 30. Augmenter les salaires. Aujourd'hui, un salarié au SMIC gagne à peine plus que le seuil de pauvreté. Et encore, à condition d'avoir un emploi à temps complet et non un temps partiel. C'est inadmissible. Le travail est la source de la création des richesses. Les travailleurs doivent obtenir leur dû. Leur dignité, leur droit à l'existence doivent être garantis. L'augmentation du SMIC est une mesure de justice sociale, mais combinée au protectionnisme solidaire, c'est aussi une mesure efficace de relance écologique de l'activité. C'est permettre aux salariés de consommer des produits de meilleure qualité et locaux. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Augmenter immédiatement le SMIC net mensuel de 16% pour le porter à 1 326 € net pour 35 heures. Engager une revalorisation des salaires des fonctionnaires gelés depuis 2010. 31. Restaurer le droit à la retraite à 60 ans, augmenter les petites pensions. François Hollande s'est vanté auprès de la Commission européenne d'avoir repoussé l'âge de la retraite à 66 ans. En effet, il a validé le report de l'âge de départ à 62 ans décidé par Nicolas Sarkozy en 2010, et il a rendu encore plus inaccessibles les conditions pour avoir une retraite à taux plein, en allongeant la durée de cotisation à 43 ans. Au point que de plus en plus de personnes partent à la retraite avec une pension amputée par les décotes et le manque de trimestres, du fait du chômage et de la précarité. C'est injuste. Pourtant, l'argent existe pour financer les retraites, augmenter les pensions et rétablir le droit au départ à 60 ans. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Restaurer le droit à la retraite à 60 ans à taux plein, ramener la durée de cotisation pour une retraite complète à 40 ans. Revaloriser les pensions de retraite au niveau du SMIC pour une carrière complète et porter le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté. Assurer le financement durable des régimes de retraite solidaires, intergénérationnels et par répartition, par la mise à contribution des revenus financiers des entreprises, par l'augmentation du nombre de cotisants et de l'assiette des cotisations, création d'emplois, hausse des salaires, recul de la précarité, hausse de l'activité des femmes, etc., et de leurs taux. La fin des exonérations fiscales pour les régimes de retraite par capitalisation. 32. Réprimer les inégalités femmes-hommes dans les entreprises. L'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas une question morale. Ce n'est pas non plus seulement une question institutionnelle ou sociétale, c'est d'abord une question sociale. Aujourd'hui encore, à postes et qualifications équivalents, les femmes sont moins payées que les hommes. Et la maternité reste un risque pour la carrière de nombreuses femmes. Cela suffit. Il est plus que temps d'agir et de contraindre ceux qui ne veulent pas de l'égalité. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Étendre à toutes les entreprises l'obligation d'adopter un plan ou un accord d'entreprise contre les inégalités de salaire et de carrière entre hommes et femmes, aujourd'hui limitées aux entreprises de plus de 50 salariés. Augmenter les sanctions financières et pénales contre les entreprises qui ne respectent pas cette égalité, pouvant aller jusqu'à l'interdiction d'accès au marché public. Revaloriser les métiers occupés majoritairement par des femmes, qualification, grille salariale, et agir pour l'égal accès à toutes les formations et à tous les métiers. Favoriser des congés parentaux de durée identique entre les parents. 33. Éradiquer la pauvreté. 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté en France, soit avec moins de 1000 euros par mois. Des centaines de milliers de personnes tentent de survivre avec à peine quelques centaines d'euros par mois. Notre pays et nos villes comptent de nombreuses personnes sans abri, abandonnées à elles-mêmes, faute d'intervention des pouvoirs publics. Le recul des services publics et la précarisation des conditions de vie ont fait exploser la pauvreté. On ne peut pas vivre heureux dans un océan de malheur. La République doit faire cesser ce scandale. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Créer un plan personnalisé contre la pauvreté, PPP, prenant en compte la situation des personnes dans leur globalité, revenus, état de santé, insertion professionnelle, logement, etc. Créer une garantie dignité en revalorisant les minima sociaux, aucun niveau de vie en dessous du seuil de pauvreté. Restructurer les emprunts des ménages surendettés et garantir à tous l'accès effectif aux services bancaires de base. Atteindre l'objectif de zéro sans-abri. Chacun doit se voir proposer un hébergement d'urgence ou un logement et un accompagnement durable. Instaurer la gratuité de l'accès et des quantités d'eau, électricité et gaz indispensables à une vie digne, en commençant par faire appliquer l'interdiction de coupure d'eau et de réduction de débit au domicile principal. Lutter contre le non-recours aux droits sociaux et civiques par la simplification des démarches et des critères et le retrait de contrepartie pour l'attribution du RSA, qui sera de nouveau financé par l'État. Mobiliser les volontaires nationaux pour inscrire ou réinscrire 100% de la population majeure sur les listes électorales et vérifier ses droits sociaux. 34. Garantir le droit effectif au logement. 30 000 enfants vivent sans abri fixe dans notre pays. Près de 1 million de personnes n'ont pas de logement personnel. 4 millions sont mal logés. 12 millions sont menacés d'un problème lié à leur logement. Les loyers s'envolent dans les grandes villes. le libre marché et les allègements fiscaux ne permettront pas de régler le problème, au contraire. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Interdire les expulsions locatives sans relogement. Construire 200 000 logements publics par an pendant 5 ans aux normes écologiques. Mettre en place une garantie universelle des loyers pour favoriser l'accès de tous au logement par l'intermédiaire d'une caisse de solidarité alimentée par les bailleurs, comme le défend la Confédération nationale du logement. Lancer un plan d'éradication du logement insalubre, de renouvellement urbain et de construction de logements sociaux en renforçant les sanctions des communes trop faiblement dotées en parc social. Imposer les hautes transactions immobilières par une taxe progressive. Soutenir les projets d'habitat participatif et coopératif. 35. Refuser le chantage à la dette publique. L'argent existe pour vivre mieux. La France n'a jamais été aussi riche de son histoire. La dette n'est pas un problème. Son montant est tout à fait supportable une fois ramené à sa durée de vie réelle, plus de 7 ans. Mais l'État a été volontairement appauvri par des cadeaux fiscaux aux plus fortunés, à la finance et aux grands groupes. Certains ont même gagné deux fois. Ils ont pu prêter à l'État les impôts épargnés et empocher au passage des intérêts. Ce chantage et ce rançonnage doivent cesser. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Réaliser un audit citoyen de la dette publique pour déterminer la part illégitime et préparer un réaménagement négocié. Échelonnement des remboursements, baisse des taux d'intérêt, annulation partielle. Faire racheter la dette publique par la Banque centrale. 36. Faire la révolution fiscale. De l'argent, il y en a, mais il est capté par les uns au lieu d'être mis au service de l'intérêt général par l'impôt. Le système fiscal est à bout de souffle, injuste, plein de niches et de trous tel un gruyère. Il doit être entièrement refondé sur des bases claires, lisibles, en appliquant le principe de la progressivité qui veut que plus on gagne d'argent, plus on contribue au bien public. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Refonder l'imposition sur les revenus en transformant la CSG et l'impôt sur le revenu actuel en un nouvel impôt citoyen sur les revenus, garantissant les recettes de la sécurité sociale et de l'État. Imposer les revenus du capital comme ceux du travail par une assiette large et unifiée. Rendre l'impôt sur les revenus plus progressif avec un barème à 14 tranches contre 5 aujourd'hui. Tout le monde doit payer et chacun selon ses moyens réels. Instaurer un revenu maximum autorisé, 100% d'impôt pour la tranche au-dessus de 20 fois le revenu médian, soit 400 000 euros de revenus annuels, 33 000 euros par mois. Mettre fin au quotient conjugal, système patriarcal favorisant les inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Remplacer l'injuste quotient familial fiscal actuel par un crédit d'impôt par enfant. Évaluer chacune des niches fiscales et supprimer les niches injustes, inefficaces socialement ou nuisibles écologiquement. Refonder l'impôt sur les sociétés pour établir l'égalité devant l'impôt entre PME et grands groupes, instaurer un barème progressif et favoriser l'investissement plutôt que la distribution de dividendes. Renforcer l'impôt de solidarité sur la fortune, ISF. Augmenter les droits de succession sur les gros patrimoines et créer un héritage maximum pour les fortunes les plus importantes, égal au patrimoine des 0,01% les plus riches, soit 33 millions d'euros en 2012. Réduire la TVA sur les produits de première nécessité, revenir sur les hausses récentes et réinstaurer une TVA grand luxe pour financer ces baisses. 37. Terrasser l'évasion et la fraude fiscale. La révolution fiscale n'est possible que si on mène en parallèle une lutte sans merci contre les déserteurs fiscaux. La fraude et l'évasion fiscale représentent un manque à gagner de 80 milliards d'euros pour l'État. Il faut aller chercher l'argent là où il est. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Mettre en place la taxation différentielle, permettant de soumettre chaque citoyen français aux impôts français, quel que soit son pays de résidence. Obliger les entreprises à déclarer leurs résultats pays par pays et taxer les bénéfices des entreprises là où ils sont réalisés. Interdire aux banques françaises toute activité dans les paradis fiscaux en retirant les licences bancaires des établissements récalcitrants. Agir contre l'évasion fiscale au niveau international, notamment en organisant le blocus des paradis fiscaux. Renforcer les moyens humains et techniques de l'administration fiscale et des douanes dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale.